Messieurs, soyez les bienvenus dans l'émission hors format. Vous connaissez le principe, hein. Je reçois deux invités ici dans notre studio situé 8 places de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Et parfois ils se connaissent, d'autres fois ce n'est pas le cas, on verra avec eux. Et puis ici, cette deuxième proposition qu'ils ne se connaissent pas, eh bien c'est l'occasion ici dans notre studio de faire connaissance et pourquoi pas de se retrouver pour des projets futurs, on ne sait jamais. C'est arrivé je crois par le passé. Aujourd'hui, il y a tout d'abord Aurélie Beton. Bonjour Aurélie, je prononce bien le nom ? Béton. Ben voilà, c'est toujours... Allez, commence, ça y est, tu commences. Je voulais te demander avant l'émission, voilà. puis j'ai pu penser. Erreur. Mauvais point, pas bien. Aurélie Béton qui est graphiste, également plasticienne. Qu'est-ce que, encore la question de base, hein, qu'est-ce que sont les arts plastiques ? Je me définis comme une plasticienne, c'est tout ce qui est en rapport avec les arts plastiques justement. Peinture, sculpture, photo, tout ce qui touche aux arts plastiques en fait, je fais un mélange de toutes ces techniques-là en fait. Tu t'es pas arrêtée sur une technique voilà, en particulier. Exactement. Aujourd'hui avec toi, il y a quelqu'un qui vient pour la première fois, autant toi Aurélie Béton, tu es venu il y a deux ans, et bien Guillaume Louis, musicien conteur, c'est sa première. Eh oui, bonjour. Bonjour Guillaume, et tu n'es pas venu seul. Non, je suis accompagné avec quelques objets sonores. Ce qu'on appelle des instruments du monde. Oui. Ces instruments de musique ont été collectés à travers le monde, de par des voyages ou tu les fais venir ? C'est vrai que moi, comme je suis conteur, je suis un peu feignant dans le voyage, donc j'ai tendance à me les faire offrir. C'est plus facile, ça coûte moins cher. Non, ça m'est arrivé de me promener notamment au Festival de Saint-Chartier, qui est un festival des facteurs d'instruments et maîtres sonneurs. Des luthiers et musiciens, quoi. Mais ça le fait plus. C'est dans le centre de la France, tous les 14 juillet. Et là, ils font venir vraiment des luthiers de partout. Et j'ai eu la chance, voilà, pour certains instruments, de rencontrer des luthiers sur place. Certains qui viennent d'Ardèche, d'autres de Hongrie. Il y en a qui viennent d'encore plus loin. Mais c'est l'occasion de découvrir leur travail et de pouvoir en profiter et de faire des gros chèques. Un luthier, il y en aura justement un dans cette émission dans deux semaines, noté le 26 mai à partir de 14h sur Radio Gemozo. Un luthier référence, notamment pour un instrument, parce qu'on dit les deux, nickel arpa. Ça te dit quelque chose ? Ça doit être Monsieur Condi, non ? Ben oui, bien évidemment. Et il sera là avec Bouclette, un chanteur pour enfants. Ça devrait être une rencontre, là aussi, plutôt sympathique. Avant de parler de vos actualités, que toi, Guillaume, tu nous fasses entendre ces instruments qui sont tout autour de toi, on va commencer par vos parcours respectifs. Comment ça a débuté pour toi, Aurélie, en ce qui concerne les arts plastiques ? Dès l'âge de 9 ans, en fait, je suis allée à l'école de dessin à Saint-Dié, c'est pas grave. Où j'y suis allée de l'âge de 9 ans jusqu'à la terminale. J'ai passé un bac art plastique, puis un BTS en communication visuelle en art appliqué. Et puis depuis l'âge de 9 ans, en fait, je peins, je bidouille, voilà, je fais ma passion. Ça a commencé comme ça. Voilà, d'après ce que tu dis là, c'était la route était tracée. Oui, tu voilà. Avais choisi. Exactement. Ces disciplines artistiques. Discipline artistique, comment ça ? Ah ben, donc cette voie-là... C'est la voie-là, c'est que ça a commencé par la peinture, en fait, la rencontre avec certains tableaux artistes. Et depuis là, je me suis lancée dans les cours de peinture, dessin, peinture, sculpture, photo, etc. Quoi. Pour toi, c'était une évidence. Oui, c'était une évidence, voilà. Et toi, Guillaume, est-ce que pour la musique et les contes, hein, c'est très spécifique le conte, est-ce que ça a été tout comme Aurélie une évidence ou alors c'est un long cheminement avant d'en arriver là ? Oh, c'est plutôt été un cheminement parce que le conte, il n'y a pas encore d'école de conte, il n'y a pas encore de. Il commence à y avoir dans des MJC certains stages, mais le théâtre est encore prépondérant ou le cirque. Pour les enfants, en tout cas, le conte, on y a plutôt accès par des CD, des livres ou des spectacles. Avant que ce soit des ateliers ou des formations. Moi, j'étais dans la musique, par contre, depuis assez jeune, sur l'apprentissage de la guitare. On avait la chance d'avoir une école de musique dans notre village. Donc ça a permis de développer cette fibre-là assez tôt. Et après, le conte, c'était vers la sortie de la fac, on va dire, sur la fin des études, qui étaient des études vraiment plutôt sur les sciences du travail, de la formation, sur le métier de médiateur dans l'art contemporain. Donc ça n'avait pas complètement tout à voir avec les métiers d'art vivant. J'étais plutôt dans la médiation sur les arts plastiques. Et en fait, ces études longues m'ont surtout permis de développer en amateur des activités musicales et de théâtre aussi. Et dans une activité de théâtre, j'ai rencontré un conteur que j'ai accompagné en tant que musicien pendant un an. Et puis après, je me suis lancé. Qui est ce conteur ? C'est Chic Polimamfumbi, qui est toujours conteur. Il est sur Vendôme, mais il compte un peu partout dans la francophonie. Conteur africain, je crois. Si vous tapez conteur africain, vous risquez de tomber sur lui. Voilà, c'est quelqu'un qui raconte pas que des histoires africaines, et qui raconte, en ce moment, il tourne avec beaucoup de musiciens, et il joue dans des... Voilà, vraiment un peu partout. Dans ce que tu proposes maintenant, si j'ai bien compris, hein, le déclic de tout ça, c'est la musique avant tout, et puis la guitare en particulier, tout simplement comme beaucoup. Oui, voilà, ouais. Oui, moi, je pense jouer de la guitare pour plaire à mes parents parce qu'ils aimaient bien Brassens. Faut bien une raison pour apprendre un instrument, hein. Donc j'ai démarré là-dessus. Après, mon petit frère a appris le piano, alors j'ai appris aussi. Parce que quand on a un piano à la maison, on se rend compte que les gammes sont sous les yeux, c'est plus simple que la guitare. Donc à l'adolescence, on apprend plus vite aussi. Et puis après, en accompagnant un conteur, on trouve qu'une sonorité d'un instrument n'est pas suffisant. Alors on commence à en acheter d'autres. Et c'est là que commence une perversion de collectionniste aiguë. C'est assez... mais c'est voilà, on est toujours à la recherche du coup d'un nouveau son, de quelque chose qui va faire voyager le public en dehors des paroles, quelque chose qui va attirer l'attention ou la relancer des fois, et on se retrouve à collectionner plein d'instruments. Quel est le premier instrument différent sur lequel tu as joué ? Ça m'arrangerait que ça soit un que tu as. Ah non, je l'ai pas amené. C'est une balalaïka. Mais qui est une histoire, c'était un instrument que j'ai trouvé dans un magasin qui n'existe plus sur Nancy, vraiment elle était d'occasion, elle était à 50 euros, et elle a une malformation génétique, cette balalaïka là, c'est-à-dire qu'elle est mal frettée, elle commence à dénoter, et quand on arrive à la 12e case, là où on doit être à l'octave, et ben ça fait un demi-ton au-dessus. Donc tout seul, quand on en joue tout seul, il n'y a pas de souci, mais dès qu'on joue avec d'autres musiciens, elle sonne très faux, elle chante faux, et donc ça a été un compagnon de voyage et d'histoire pendant longtemps. C'est un instrument qui sonne très fort en extérieur pour les balades comptées, c'était extraordinaire. Et voilà, je la sors encore des fois, mais c'est vrai qu'elle se fait vieille, elle tremble de partout, alors je la ménage maintenant. Mais je l'ai jamais remplacée par une autre. La balalaïka, mesdames et messieurs, vous savez certainement ce que c'est, vous en avez peut-être vu en photo, peut-être pas entendu, c'est cet instrument russe en triangle. Oui, en triangle, qui a trois cordes, dont deux qui sonnent pareil. Ça ressemble un petit peu du coup à la sonorité des épinettes, parce qu'on a une ou deux cordes qui vont servir de chanterelle pour faire la mélodie, et la corde du bas va résonner. Souvent on joue pas avec la main gauche dessus, et ça sert de bourdon. Voilà, ça fait sur les trois cordes, on a déjà deux familles de cordes, comme sur les petites épinettes, on a les chanterelles pour la mélodie et les bourdons pour l'accord et le rythme en soutien. Tu es musicienne, Aurélie, en plus d'être plasticienne et graphiste ? J'ai joué de la guitare petite pendant 7 ans. Et je me suis remise, mais alors tout récemment, je me suis remis tout récemment à la guitare, mais là, tu vois, j'ai tout perdu, donc je me remets, mais alors, je suis débutante de chez débutante, quoi, tout doucement, donc voilà. Parce que j'avais envie de retrouver ces sensations-là, en fait. Les sensations des cordes, des touchés, c'est un instrument que j'ai toujours adoré, donc voilà. Je m'y remets, mais en autodidacte, voilà. Avec toute la simplicité, voilà. Juste pour moi et pour mon fils, quoi. Voilà, tout simplement. Sans prétention. Tu as parfois proposé des performances artistiques? En quoi? Par rapport, donc, en tant que plasticienne, parfois, ça fait plusieurs années de ça. Dans ce cas, la musique était présente? Tu l'as accompagnée? Plus jeune, elle oui. T'a accompagnée plutôt? En plus, il y avait la danse contemporaine qui était liée à ça. Mais ça fait des années de ça. Et je me suis toujours dit que je reproposerai quelque chose autour de ça, mais c'est la vie, le temps, tout ça qui a fait que ça a été mis de côté, entre guillemets. Mais ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je me souviens quand tu étais venue il y a 2 ans, on parlait d'un événement que tu organisais, peut-être ce n'est plus le cas, où différents arts étaient représentés. Je me rappelle, il y avait même un show coiffure. Ah oui, l'exposition que j'avais, j'organisais à mon travail à Actimetal tous les 2 ans des expositions. Il y avait des événements qui enchaînaient en fait durant la période d'exposition. Donc il y avait des show coiffures lors du vernissage. La musique, il y avait des concerts. La musique aussi, des concerts, des performances aussi de danse contemporaine. Enfin, il y avait plusieurs événements qui se déroulaient tout le long de la durée de l'exposition en fait. Et oui, puisque voilà. Aurélie Béton, en plus d'être graphiste, plasticienne, travaille aussi à Actimetal, d'ailleurs une boîte que tu as fondée, c'est familial. C'est mon père qui a monté la société il y a 10 ans avec son associé, et c'est son associé qui a repris récemment la société, donc voilà. Qu'est-ce que c'est ? On est négociant dans les produits métalliques, on vend tout ce qui est clôture, métal déployé, grillage... Tout ce qui est produit métallique, en fait. Et ça te sert dans ton art? On l'a vu déjà, parce que l'entrepôt de l'entreprise a servi à des manifestations artistiques. Oui, voilà. Et puis, de par le matériel que vous vendez en métal... Oui, les produits, en plus, on retrouve dans mes toiles, notamment, des traces. J'essaye d'incorporer quelques éléments comme des toiles métalliques, des choses comme ça, oui. Si vous voulez voir à quoi ressemblent, alors pas toutes les toiles d'Aurélie, mais certaines, il y a plusieurs possibilités. Déjà, vous allez sur Internet, quand on tape Aurélie Béton, B-E-T-O-N, on peut tomber notamment sur le site, mais je vais vous donner carrément le nom, surtout que ça a changé Aurélie. Avant, c'était escargotvolant.com, maintenant c'est escargotvolant.net. Oui, .com c'est le blog et .net c'est mon site, pour être précis. Escargotvolant, c'est ton nom d'artiste. Oui, voilà. Ce avec quoi tu signes tes œuvres? Non, mes œuvres, je les signe AB, mes initiales. Escargotvolant.com ou .net, alors du coup... .net, ça sera plus pratique, il y a toutes les infos dessus. On peut voir certaines de tes toiles, et notamment ce que tu disais, celle avec j'appelle ça les alvéoles métalliques. Si tu veux. Et puis vous verrez, mais ça sera plus loin dans l'émission. Ben, comme tout artiste, tu as développé ton univers. Il y a un personnage notamment, mais je n'en dis pas plus. Mystère. Je l'appelle la femme oiseau. on apprendra à la connaître après ça. En attendant, on papote, mais Guillaume, ça serait quand même bien de nous faire entendre un des instruments. Alors, si c'était pas le premier, puisque le premier instrument du monde sur lequel tu as joué, c'était la balalaïka. La balalaïka, oui. Balalaïka, j'ai toujours du mal, tu vois, c'est comme ton nom, Aurélie. Balalaïka, j'arrive pas à le dire. quel était le deuxième instrument? Dis-moi que tu l'as là. Bon, j'ai acheté un mélodica, mais ça, c'est pareil. C'était un mélodica pas cher pour faire des sons un petit peu entre l'accordéon et l'harmonica. Ça, on connaît, je pense. Oui, c'est. Le mélodica, comment tu le définirais? C'est à l'accordéon ce que le string est au caleçon. Ah non, ça c'est pour l'harmonica. On va dire que c'est le slip kangourou pour le mélodica, donc c'est entre les deux. On va dire que c'est trop grand pour qu'on le perde dans sa poche, puisqu'un harmonica, des fois, quand la poche est trouée, on le perd. Et c'est assez léger pour pas faire mal au dos, alors que l'accordéon peut faire mal au dos. C'est vraiment comme un piano, un petit clavier de piano, sauf qu'il faut souffler dedans par un tuyau ou un bec, et puis on souffle, on appuie sur les touches de piano et ça sort. Ce sont des lames qui vont vibrer, comme pour un accordéon. Voilà. On souffle et on joue. Ça fait des jolis sons. Voilà. Ça vient d'où, le mélodica? Ah, c'est... alors, je crois que celui qui a déposé ça, c'est le bijoutier qui a inventé les harmonicas, Honer. Sont tous des bijoutiers hein, qui ont inventé ces instruments-là, parce que ce sont des pièces très très fines, ces pièces de métal là, qui vibrent quand l'air passe. Donc il fallait vraiment une qualité savoir travailler l'infiniment petit métal. Enfin non, c'est pas infiniment petit, mais voilà, le très petit et la précision pour faire toutes les lames des plus petites qui sonnent très aiguës aux plus grandes qui sonnent très graves. Donc je crois que voilà, les premiers qui ont déposé, en tout cas, c'est Honer. Et après, il y a d'autres marques, alors les Chinois qui en ont sorti beaucoup, qui ont permis de faire descendre les prix dans les années 2000. Et il y a d'autres marques sérieuses comme Suzuki, par exemple, qui avait repris Hammond, la marque Hammond des orgues, qui eux en ont sorti aussi des mélodions, ils les appellent, qui peuvent se brancher en jack aussi. Mais c'est vrai que je n'ai pas pris ça non plus. Je suis dans la frustration complète aujourd'hui. Et nous, donc, Aurélie, t'as remarqué que Guillaume ne parle que d'instruments qu'il n'a pas emmenés. C'est quand qu'on va en entendre un? Mais faut poser, oui, c'est les questions aussi. Ben oui, ben bien sûr, mais ça aurait pu être... Bon, il fallait, voilà, parce qu'il dit la vérité aussi. Il aurait pu mentir, mais il ment pas. Oui, alors qu'un compteur, franchement... Voilà. Alors, ça c'est peut-être un instrument qui était précurseur dans ton parcours. En tout cas, on le retrouve au début, puisque l'Afrique, tu le disais, est... le continent par lequel tu as découvert le conte, et là, vous ne le voyez pas, mais vous allez l'entendre dans quelques instants, c'est un instrument de percussion africaine. Oui, c'est un instrument du Gabon. C'est le conteur gabonais, du coup, Chic Polimanfumbi, qui m'en a ramené un exemplaire. Ça s'appelle le koul. C'est un instrument de l'ethnie des Bapounous, qui est une ethnie dont il est originaire, lui, et il a son père qui est d'origine Bapounou. Donc l'instrument est un peu en trois parties. Il y a une sorte de caisse de résonance en forme de poire, c'est une grande courge, sur laquelle est gravé un masque Bapounou. Ce sont les masques mortuaires Bapounou qu'on retrouve souvent, on peut en trouver à Paris, au musée d'Apeur ou au musée des arts premiers, voilà. Et au-dessus, il y a une tige qui est encastrée dedans, qui est un peu tordue. Alors la courge, comme elle a des formes, comme elle a des formes un peu rondes, ça représente l'élément féminin. La tige, c'est un bois particulier qu'on trouve dans la forêt des ancêtres là-bas et qui sert. C'est un bois très rigide, mais qu'on peut plier en le brûlant un petit peu. Et ça sert à faire des arcs ou à tendre des pièges. Donc ça présente l'élément masculin. Donc les deux sont encastrés l'un contre l'autre. Et entre les deux, il y a une tension fertile. C'est-à-dire il y a une seule corde. C'est une harpe à une seule corde, une harpe de monocorde. Et qui sert chez les Bapounous à... qui est utilisée pour les rites de fertilité. Voilà. Je me tais, hein, si je veux en jouer. Merci Guillaume. C'est bien, deux instruments en un à corde pincée et l'autre percussion. Oui. Et puis comme souvent c'est le cas avec les instruments du monde, hein, ce sont des objets d'art. Mm. Là, avec ce portrait que tu évoquais. Oui, ce masque Bapounou, ouais, c'est vrai que ça fait... alors on voit, tout est fait vraiment à la main, et l'encastrement tient par une sorte de bout de bois qui maintient la tension... de la corde. Enfin, c'est très très artisanal, mais ça fonctionne, ça sonne bien. C'est sûr que en extérieur, il vaut mieux mettre un micro devant, mais c'est un instrument personnage. Voilà, c'est le premier instrument que je présente dans un spectacle. Les instruments se racontent, sur les instruments du monde, où on a un enfant qui part dans la forêt à la recherche de son sourire et qui revient avec cet élément de son père et de sa mère disparu. Et un petit élément du danger de la forêt qui constitue la corde. Et il revient en gros avec son petit frère, et avec le moyen de lui retrouver le sourire et de répandre le bonheur et la fertilité dans son village. Si vous allez sur internet, vous tapez Guillaume Louis, vous tomberez sur le site internet guillaumelouis.fr, Et là, vous verrez qu'il est extrêmement fourni, et notamment de spectacles. Hein. C'est normal, ça fait plusieurs décennies. Deux, je crois, que tu tournes avec différents spectacles. Oui, bientôt. Depuis fin 2004, j'ai commencé. Oui, à force de dire que ça fait 10 ans, ça commence à faire 15, et puis on se rapproche de la vingtaine en encore un petit peu de temps. Il y a 5 catégories, au moins c'est clair, hein, sur ton site internet. Adulte, tout public, enfants, des commandes et des collaborations. Là, c'est un premier point commun, je dirais, hein, avec Aurélie, ici présente, puisque vous aimez hein, tous les deux les collaborations, vous ouvrir aux autres artistes, c'est essentiel pour vous, Aurélie. Bah, les rencontres artistiques, oui, ou humaines dans la vie, c'est ça qui nous fait grandir, avancer. Et comme tous les artistes, je pense, j'invente rien. Et c'est aussi pour ça que tu avais créé cet événement qu'on évoquait juste avant. Oui, voilà, exactement. Et toi, Guillaume, différents spectacles, j'ai remarqué, Aurélie parlait de danse contemporaine, toi aussi tu aimes la danse puisque tu collabores souvent avec des danseuses. Oui, j'ai vu ça. Oui, alors je collabore depuis le départ avec une danseuse qui est plutôt dans le de formation moderne jazz, avec Stéphanie Gobert, qui a un studio de danse sur Nancy, et qui fait beaucoup d'ateliers, mais qui fait aussi des spectacles. Et puis récemment avec la danse contemporaine, oui, avec Stéphanie Cour, avec laquelle on a joué il y a pas très longtemps, en novembre et en janvier, au musée d'Épinal, pour l'inauguration de leur nouveau parcours Beaux-Arts. Voilà, ils nous avaient commandé justement un dialogue conté chorégraphique avec certaines œuvres qu'ils avaient choisies. Et puis avec Laetitia Di Labio, avec qui on a développé des formats aussi, dont un spectacle qui s'appelle Accord ouvert, sur avec une présence de personnages féminins, voilà, des personnages héroïques ou mythologiques féminins, et qui questionnait l'histoire de liens tout au long de la vie, le lien social, filial, fraternel, amoureux. Le lien 4, comme les 4 éléments, la matrice, la terre, le lien amoureux représente le feu, le lien familial, l'eau, et le lien social, l'air. Oui, oui, vous avez bien retenu. Non, mais tu sais pourquoi j'étais marqué par ce spectacle? Et c'est pour ça, Aurélie, que j'ai eu ce drôle de son quand il a nommé le spectacle Accord ouvert. C'est parce que là aussi, hein, sur Internet, je crois, bon, sur la chaîne YouTube, ou de toute façon sur le site hein, de guillaumelouis.fr, on peut voir des vidéos. On peut voir une vidéo où Guillaume, parce qu'il ne fait pas que compter jouer de la musique, il bouge son corps aussi quand il est pendant ses spectacles collaboratifs. Et il y a ce moment, cette scène où Guillaume est en slip, on doit bien le dire, et fait une sorte de haka. Non. Ah si. Ah Guillaume, explique-nous ça. Il y a des preuves. L'avantage de la radio, c'est qu'on c'est pas la peine de le refaire, mais on peut le décrire. Ouais, c'est le début du spectacle en fait, et c'est une sorte de pseudo-rituel chamanique qui se prend pas au sérieux. C'est-à-dire qu'il y a, oui, je viens. Alors j'ai rajouté une jupette parce qu'on l'a rejoué l'été dernier en extérieur, et j'avais une sorte de jupette en fausse peau de bête. Version écossaise. Non, pas un kilt quand même, mais moins sexy. Sexy. J'ai gardé le caleçon en dessous parce que le kilt, j'aurais été obligé d'avoir un vrai kilt. Bon, on va pas vérifier. Mais... et du coup, oui, l'idée c'était de venir, de grogner, de sortir un son un peu rituel, un peu et de se connecter, alors de façon pas sérieuse, mais je sais pas si c'était une moquerie, en fait c'était une petite moquerie par rapport au milieu du conte dans lequel il y a une tentation de chamanisme, et qui des fois est un peu ridicule. Il y a beaucoup de conteurs ont des tambours chamaniques dont ils ne savent pas trop se servir, mais ils tapent dessus et puis ça les fait chanter, ça les fait danser. Et moi je me disais, pourquoi ne pas aller au bout de la chose, c'est-à-dire parce que les conteurs et ces conteuses qui ont ces tambours chamaniques restent quand même très bien sur eux, donc ils restent habillés, puis ils bougent pas trop parce que quand même il y a jamais trop de place là où on joue quand c'est des petites bibliothèques. Et là l'idée c'était de, voilà, comme je travaillais avec une danseuse, d'aller un petit peu plus loin dans l'occupation de l'espace et donc d'avoir quelque chose d'assez explosif, soit dans la chorégraphie ou dans le rapport au public. Donc je sors les noms de ces éléments-là, mais je les sors en vieux gaélique pour que ça fasse encore plus guttural. Et c'est une sorte de rituel qui inaugure quatre cercles, qui sont quatre cercles consacrés aux quatre éléments. Et ces quatre cercles-là vont être célébrés à travers la célébration d'un lien qui va être investi à travers une histoire. Voilà, c'est un peu le cadre du récit. Et donc oui, c'est vrai que je débarque torse nu, en faisant doncer mon ventre et en bougeant mon corps recouvert de poils et en poussant des cris et des grognements. Et c'est assez étonnant. Il y a des publics qui rigolent tout de suite. Et bon, voilà, qui ont compris que ça se prenait pas au sérieux. Et il y en a d'autres qui sortent de la salle. Non, ou qui patientent et qui se disent c'est très contemporain, c'est très osé pour du conte. Et c'est assez amusant, voilà, de voir. Il y a une sorte de confiance, en tout cas, quand même, pour que les choses deviennent constructives après. À corps ouvert, à la base, c'est un conte gaélique. Cette histoire-là, c'est une légende qui vient, alors oui, galicienne, c'est-à-dire la Galice, c'est le nord-ouest de l'Espagne. Je vais peut-être dire des bêtises, il y en a qui vont me trucider, mais c'est une région d'Espagne qui a fourni les Gaëls, c'est-à-dire les premiers occupants qui sont arrivés en Irlande après, et donc qui donnent cette langue qu'on appelle le gaélique. Donc c'est lié, mais c'est une légende qu'on trouve en Galicie, que je raconte avec un tambour océan. Et tous les contes que t'écris, pardon, enfin que tu joues, je sais pas comment on peut... le bon terme, ça part toujours de légendes existantes. Toi, t'écris jamais de... Ça m'est arrivé, mais très rarement, parce que j'ai eu la chance d'en découvrir beaucoup qui me plaisaient. Quand j'en trouve pas et que j'ai une commande justement sur un thème un peu précis, je finis par reprendre des grands thèmes de contes qui ont fonctionné, puis de faire des compilations. À ce moment-là, de composer. Mais j'ai jamais l'impression de vraiment d'inventer. Il y a toujours des bases, quoi, existantes. Oui. Il y a des fous furieux universitaires qui ont classé les histoires par des thèmes en disant par catégorie. Ouais, c'est on a Arne et Thompson chez les Américains et puis chez nous on en a d'autres et on pourrait raconter une histoire en disant je prends le thème numéro tant et puis après les gens se font l'histoire c'est très scientifique hein, c'est un peu rébarbatif mais c'est assez étonnant voilà et du coup quand on connaît un petit peu ces thèmes-là on peut se dire là, sur cette thématique-là, sur laquelle j'ai rien, je pourrais faire fonctionner ce thème-là, parce que ça parlerait, je pourrais, voilà. Et donc, on peut travailler comme ça aussi. Mais pour l'instant, je l'ai assez peu fait. Et j'ai plutôt rendu hommage à des histoires qui m'ont inspiré. Tu voulais attraper ce tambour que tu as évoqué? Oui. Vous voulez entendre une partie du corps ouvert, peut-être, de l'histoire? Ça serait bien, oui, que tu nous contes le début. De cette légende galicienne que tu as adaptée. Oui. Et que j'ai adaptée avec la danseuse, justement, avec Laetitia Di Labbio, qui. C'est l'histoire qui lui a parlé, que j'ai racontée tout seul sur un gala de danse qu'elle organisait. Et c'est vraiment l'histoire par laquelle a démarré notre collaboration. Voilà. Et sur laquelle on a construit après le spectacle à corps ouvert. Alors un tambour océan, j'ai avec un stick à poils. C'est une sorte de balai, mais construit sur un stick de Baudrane. Ça permet d'avoir des sons assez différents. Elle avait comme une faille en l'aile depuis toute petite. Et par cette faille, entraient en elle les âmes errantes, celles qui avaient quitté trop tôt leur corps et qui cherchaient la lumière. Ces âmes étaient aux obscurs, et elle, ça lui faisait plein de voix dans sa tête, elle ne savait pas comment en faire pour s'en débarrasser, et personne autour d'elle n'avait trouvé de solution. Seuls les anciens du village disaient d'elle que c'était un corps ouvert. un corps qui accueille les âmes aux obscures en quête de lumière. Juste un corps ouvert, un corps qui accueille les âmes aux obscures en quête de lumière. Parfois, pour faire taire ses voix, elle se mettait à chanter. Quand la voix de chair prenait le dessus sur les voix de tête, alors, timide, elle se taisait, mais ça ne durait jamais longtemps. D'autres fois, elle se mettait à danser. Alors, toutes ses âmes étourdies s'accrochaient et se taisaient un peu aussi, mais ça ne durait jamais vraiment longtemps. Et de la voir danser, chanter, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, faisait dire aux gens que c'était une sorcière, une folle, mais seuls les anciens du village disaient d'elle que c'était un corps ouvert. Un corps qui accueille les âmes aux obscures en quête de lumière. Juste un corps ouvert. Un corps qui accueille les âmes aux obscures en quête de lumière. Merci Guillaume Louis. C'est l'introduction du spectacle à corps ouvert que tu joues encore actuellement ou c'est plus le cas ou il peut être joué? Il peut encore être joué. La danseuse va bientôt partir sur d'autres endroits, donc il va falloir s'organiser un peu à l'avance pour qu'elle vienne et qu'on puisse le jouer. Mais on n'a pas renoncé à ce spectacle-là encore. Tu as l'amour des mots. C'est le cas aussi pour Aurélie, puisque voici une première particularité. Toi, dans ce que tu aimes, dans des tableaux, on retrouve assez souvent les mots qui viennent se joindre à la peinture. Se greffer dedans, s'incorporer. Pourquoi ce choix? Pourquoi les mots sont-ils là? Oh, ils viennent à moi, c'est dans mes lectures, c'est comme ce qui m'inspire au quotidien, c'est des sensations, des sentiments, il y a plein de choses, et puis voilà, ça sort. Des phrases que je peux lire dans des livres, dans des magazines, ou voilà, c'est un mix de plein de choses. C'est pas quelque chose... C'est pas forcément réfléchi... C'est des fois le graphisme des oui, phrases. Oui, aussi, pareil. Enfin, non, moins. C'est vraiment si je lis dans un livre, j'ai des mots qui me parlent, une phrase, et puis je vais partir de là. Puis il y a un dessin, il y a une toile qui va se dégager, il y a une image qui va venir, et puis il y a quelque chose qui va sortir, une peinture, et voilà, ça part de là. Tout simplement, il n'y a pas de. C'est pas forcément réfléchi. Mais c'est en tout cas pas quelque chose de fréquent, hein, des toiles avec des mots. En tout cas, on en voit. Tant mieux pour moi. Et c'est pour toi ce que tu dis là, hein, c'est-à-dire que c'est très naturel, c'est instinctif, et du coup, c'est quelque chose que, d'après ce que tu dis, qui est essentiel, même si c'est pas à chaque tableau qui apparaît. Non, mais c'est une ligne directrice qui se retrouve, oui, dans tous mes travaux, ma réalisation, oui. Dans les supports hein, également que tu utilises, qui sont parfois surprenants, j'ai pu voir sur le site escargotvolant.net. Bravo. Qu'il y avait des tickets de caisse. Oui. Alors ça, c'est pas mal. Parce qu'en fait, j'ai eu des changements dans ma vie personnelle privée, et donc j'ai dû m'adapter. À un moment donné, je pouvais plus peindre sur des toiles des grands formats. Et donc j'ai toujours besoin de dessiner, de m'exprimer. Ça c'est, je pense que c'est viscéral comme tous les artistes. Et donc je me suis mise à dessiner sur un ticket de caisse une fois mon personnage Harmonia. Puis j'ai fait toute une série comme ça. De temps en temps, je cumule plein de trucs à force au bout de plusieurs mois. Donc voilà, c'est parti comme ça. Je me suis adaptée à ma situation du moment. Quels autres supports? Ça finalement, c'est là aussi une définition de l'artiste, s'adapter. Oui, je pense. Tu vois ça comme ça, hein, Guillaume? Tu t'adaptes, oui, toi aussi, aux situations de... Oui, on fait en sorte. Naturellement. C'est vrai qu'il y a une forme d'improvisation qui permet de partager une histoire avec un public et pas de transmettre un texte, simplement. Toi, ouais. L'adaptation, c'est ça, c'est par rapport au public présent à tes spectacles? Oui, et puis après, au cadre dans lequel je vais intervenir, on peut adapter à l'avance, mais je trouve ça assez important encore de pouvoir s'adapter au cadre dans lequel on se trouve et aux événements qui arrivent durant la représentation et au public qui est en face de nous. Parce que si on vient avec une histoire, avec un programme déjà figé, une façon déjà décidée de la raconter parce qu'on l'a écrite, on l'a travaillée à l'avance, C'est très bien, il y a des conteurs et des conteuses qui font ça très bien. Mais une part d'improvisation aussi, ça, c'est agréable. L'improvisation, ouais, ça permet de se rattraper des fois en cas d'imprévu, et puis de s'adapter, puis d'aller à la rencontre. Puis de se lâcher aussi. Des fois, il y a des choses qui se dégagent, qui sortent, qui sont très intéressantes, et puis du coup, ça mène à d'autres choses aussi, à d'autres travaux. Quel genre d'adaptation, Guillaume, toi, en spectacle, tu pourrais nous citer des exemples de moments comme ça où tu as dû complètement faire différemment de ce que tu pouvais peut-être penser avant. Disons quand on récolte une histoire et qu'on se dit tiens celle-là elle pourrait coller à tel cadre. Je repense par exemple au travail fait à Épinal avec les tableaux. Il y avait dans la liste de tableaux sur laquelle on a travaillé, il y a des tableaux qui reflètent des scènes mythologiques. Alors ça c'est facile. On récolte, on va rechercher les histoires. On fait des fois une compilation, parce qu'il y avait un tableau sur Diane par exemple. Bon, ça a permis de faire une petite compilation de différents thèmes de mythologie autour de ce personnage-là. Et de s'arrêter sur un élément qu'on raconte un petit peu plus longuement, et on a eu un paysage avec ruines. Alors dans l'histoire des Beaux-Arts, le paysage avec ruines, c'est des œuvres qui représentent le temps qui passe et puis donc l'impermanence, et en même temps les ruines c'est quelque chose qui reste quand même dans le temps. Donc c'est le temps qui fait voir l'espace et l'espace vu dans le temps. Enfin c'est très philosophique pour eux pour ces peintres là de dessiner des ruines. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter là-dessus, parce que là je voulais faire la présentation ce que dirait le guide, mais en histoire du coup, il a fallu aller à la recherche d'une histoire qui parlait du temps qui passe et de choses qui partent et de ce qui reste derrière. Et je me suis retrouvé avec un conte juif sur une cérémonie comme ça, une grande cérémonie. Et puis au fur et à mesure que les générations passent, c'est une cérémonie qu'on fait que tous les siècles, qu'une fois par siècle. Et du coup, comme les guerres arrivent, les générations passent, la cérémonie se perd petit à petit. Et au bout de plusieurs siècles, l'histoire dit que les gens vont se promener à la date dite. Ils vont se promener dans l'ancien sanctuaire où l'eau est pure, donc on y rince le linge qu'on a nettoyé, et ils se souviennent. Et finalement, de toute cette grande cérémonie très sérieuse qu'il y avait il y a plusieurs siècles, il ne reste plus rien d'autre que l'histoire. Voilà. Et donc, c'est un peu comme... il reste des fois des ruines, et ces ruines-là ont un mystère et gardent une valeur patrimoniale. Des fois, on a les histoires, c'est un peu pareil. Il nous reste des traces d'histoire et on ne sait pas exactement quelle valeur elles ont à l'intérieur, quelle grande symbolique elles développent, mais on les raconte, elles font un peu couleur locale. Sont un peu étonnantes, quoi, même si on les comprend plus. Ce dont tu viens de nous parler, c'était une commande du musée de Nancy ? Non, j'ai eu le musée de Nancy pour des contes d'Orient sur leur exposition sur les orientalistes, mais là c'était le parcours Beaux-Arts du musée départemental d'Épinal qui était rouvert avec des tableaux qui ont été restaurés, une nouvelle collection, une nouvelle scénographie, des nouveaux cartels. Et du coup, sur fin novembre, le dernier week-end de novembre, ils ont fait l'inauguration avec une compagnie le samedi, et puis nous on est venus le dimanche en conte et danse. Visite guidée contée. Oui, voilà. C'est vrai que ça m'arrive de faire en partenariat avec un guide, et c'est vrai que quand le guide présente un lieu ou présente une œuvre, parce que des fois on a fait des lectures de paysages aussi dans les Vosges, quand le guide présente quelque chose, moi je pars de sa parole, c'est-à-dire que je vais rebondir sur sa parole pour faire glisser vers l'histoire. Et c'est vrai que c'est là qu'on rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Aurélie, que l'adaptation, l'improvisation, c'est pas juste une souplesse d'esprit, on puise une inspiration aussi. Et on a l'impression, j'ai l'impression d'être plus pertinent. Guillaume, les tout premiers spectacles que tu as proposés, quels étaient-ils ? Alors, j'ai démarré avec un conte africain, forcément. Mais bien avant le conte, est-ce qu'il y avait d'autres spectacles qui n'intégraient pas encore ceci ? On a fait des concerts en groupe. On avait, je crois que le premier groupe qu'on a eu, c'était des reprises de jazz. Ça s'appelait Nepenthes, et on faisait, c'était vraiment des jeunes qui se retrouvaient, qui venaient de la même école de musique, Et ça permettait de jouer ensemble à la fin, au gala de fin d'année, d'avoir la petite formation. Et on a repris voilà quelques standards de jazz, quelques compositions. Après, on a fusionné entre le jazz et le rock progressif avec une deuxième formation qui s'appelait Knepsis. Et puis ensuite, ça m'est arrivé un petit peu de faire du théâtre, mais c'était vraiment voilà avec la fac et j'ai dû faire quelques représentations dans un cadre très très restreint avec la compagnie Arcane, qui est une compagnie, je crois, qui existe toujours avec Fabrice Sauvage, donc, qui est le metteur en scène, et qui vraiment est sur du théâtre contemporain. C'est un metteur en scène qui était et est toujours, je pense, passionné par Coltès. Et voilà, moi, mes premiers pas, je devais être juste administrateur de cette compagnie, mais finalement, on a monté Combat de Nègres et de Chiens de Coltès, et il y avait, voilà, on a eu un personnage qui s'est désisté, un comédien qui s'est désisté, et que j'ai remplacé, et ça m'a beaucoup plu. Je sais pas si j'étais bon, mais ça m'a plu. Et je faisais le rôle d'un psychopathe. C'est rassurant. Voilà, et qui était toujours à distance d'un personnage africain qui venait rechercher le corps de son frère, et avec une sorte de confrontation, mais toujours à distance. Et ce personnage africain, c'était le conteur avec qui j'ai travaillé après. Donc ça, voilà, c'était du théâtre contemporain un peu particulier. Tout ne nous a pas plu, c'est pour ça qu'on est allé faire autre chose derrière, mais ça nous a surtout permis de nous rencontrer et de mener cette grande aventure-là de conte dans la compagnie Philodard. Et voilà, c'est ça, juste après, c'était l'aventure, le collectif qui s'est mué en compagnie Philodard. Oui. Tu nous en touches quelques mots? Oui, alors c'était vraiment à la sortie de la fac, voilà. On s'est dit bon ben quel nom on peut prendre. On était très sur les néologismes, sur les constructions de mots. Alors philos, c'est l'amour, et puis l'amour de l'art. On s'est dit bon, c'est pas mal ça. On s'est pas rendu compte tout de suite que c'était assez proche de fil d'art. Donc on s'est dit finalement ça plaira aux tricoteuses. Philodard. Pour tisser les liens, c'est toujours. Oui, voilà. Des histoires qui tissent des liens, c'est pas mal. Et voilà, on est parti là-dessus. Ça sonnait bien. Et on a tout de suite fait des spectacles de contes, musique et danse, souvent au départ à deux ou à quatre avec deux musiciens, une danseuse, et c'est devenu un collectif parce que au gué de rencontres, on a rencontré d'autres conteurs, d'autres conteuses qui avaient besoin de ne pas se sentir seuls, avaient besoin d'une compagnie aussi pour les produire. Et on s'est retrouvé comme ça au plus fort de cette compagnie qui avait une association derrière elle. Donc une compagnie, c'est une esthétique un peu défendue. On a dit que c'était un collectif pour se dire c'est assez ouvert et pour pouvoir les produire aussi. Donc ce collectif là au plus fort a eu trois conteuses et trois conteurs, donc six conteurs professionnels qui étaient dedans, et puis plein de musiciens. De la danse, des arts plastiques, on avait vraiment fait des choses qui partaient des fois dans tous les sens, puis des fois des projets plus restreints. Et voilà, ça reste une compagnie aujourd'hui, mais plus recentrée sur mon activité, parce que les autres conteurs et conteuses ont développé du coup leur esthétique et sont partis. Certains, on les a aidés à monter leur structure, leur association, certains musiciens ou danseurs, et puis d'autres sont allés s'accrocher à d'autres structures pour les produire, pour continuer à grandir. Philodard existe encore? La compagnie, oui. L'association, non. Voilà, les choses de la vie font qu'il y a des structures qui montent, qui se montent, donc qui viennent les remplacer, ou qui puis des fois c'est des connexions humaines. Pour une association, faut un bureau, faut être président, faut des gens très bienveillants qui portent les mêmes valeurs. Et puis bah nous, on a eu ça pendant longtemps avec vraiment des gens qui nous ont soutenus ou qui ont été là derrière nous. Et puis il y a eu un moment donné où on s'est trompé. Et donc, s'est fait avoir, et en un an, l'association est rentrée en sommeil, et puis après, s'est arrêtée. Mais on a pu garder le nom de la compagnie, ce qui nous a permis de... ce qu'on avait construit, c'était surtout sur ce nom-là, Philodard, et donc voilà. On a perdu l'association, mais on a gardé le nom. Se tromper, faire une erreur, de quelle sorte? On se trompe humainement des fois. Quand on est, comme Aurélie, je pense aussi, passionné de rencontres, eh ben on donne sa chance à plein de gens et puis on a une sorte de naïveté et puis de bienveillance qui fait que bah des fois voilà on tombe sur des gens qui montrent pas de blanche au départ et puis qui se révèlent très destructeurs derrière. Alors je vais pas donner de nom hein, derrière, mais on s'en remet. C'est des choses qui nous apprennent et qui nous permettent de grandir, de mûrir. D'être moins naïf peut-être, c'est pas plus mal, mais de continuer à travailler sur la rencontre en sachant ce qu'elle peut avoir de bien et de moins bien et d'explorer ça avec quand même une certaine confiance. Là aussi, en s'adaptant. Oui, en s'adaptant. On continue sa route. Et en parallèle de Philodar, il y avait aussi l'aventure. J'imagine jolie aventure humaine, Quarail en lune. Oui, encore un nom, encore un nom poétique. On n'a pas fait Quarauge, hein. C'est vrai qu'on pensait à nos amis Bressot, mais Quarail c'était plus répandu en Lorraine que Quarauge. Enfin Bressot, ici aussi on dit Quarauge plutôt. Oui, oui. Ouais, dans la vallée. Les réunions qu'il y avait, il n'y avait pas la télé à l'époque, alors ils se retrouvaient et on comptait. On comptait des histoires. Voilà, ouais. Alors des fois c'était juste des ragots et ce qu'on peut faire Quarauge au bout de son jardin avec son voisin. Ou sa voisine, mais oui, voilà, il y avait des salles qui ont été créées, les salles du Quarail, dans lesquelles il y avait des petits spectacles ou des choses, des grandes veillées, on va dire. On s'est dit que nous, on avait ce côté-là d'ancrage en Lorraine, parce qu'on était une dizaine de compteurs là. C'était ce qu'on appelle une SCOP, voilà, une société coopérative et participative. Ouais, c'était la première expérience de SCOP de compteurs en France même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Et je pense que dans d'autres régions, ça a dû chatouiller pas mal de compteurs de faire comme ça. En fait, les compteurs et compteuses sont plutôt des loups solitaires qui aiment bien la rencontre, mais qui aiment bien garder leur jardin secret quand même et leur autonomie. Alors ça a plu à certains sur le papier, puis après... voilà, humainement, ça demande quand même une SCOP, c'est pas évident. Autant tout le monde a l'habitude des associations, c'est des réunions, c'est convivial, mais une SCOP, on nous demande, quand on est associé, de répondre à des questions sur lesquelles on n'a aucune compétence. Et ça, c'est très compliqué. Et du coup, et sur lequel on n'a peut-être pas trop d'intérêt. Et ça, je pense, beaucoup décourager certains, et ça fait retomber la dynamique. Et ensuite, on a préféré là cette fois-ci fermer avant d'être dans le rouge, on va dire. On a senti qu'humainement ça fonctionnait pas. On s'est dit, soit on tire sur la corde et on risque d'y perdre des plumes, soit on va tout doucement vers la fin et on sait quelle plume on perdra, quoi. Voilà. Mais ça, Guillaume, Aurélie et les artistes qui nous écoutent, je pense que c'est un problème que vous rencontrez souvent, c'est-à-dire que créer. C'est ce que vous faites, ce que vous, notamment par rapport à ce que vous ressentez, c'est très viscéral. Et le côté gestion, généralement, ça va pas de pair. Non, la création et la gestion administrative ou autre. Ça peut créer des soucis dans son parcours d'artiste. C'est pas la même partie du cerveau et c'est vrai que c'est. Ouais, c'est autre chose, donc oui. Ça demande une autre attention, mais bon. Tu n'as pas créé d'association, de structure, non. Toi, Aurélie? Non. Peut-être un jour, mais pas pour le moment. Il y a l'auto-entreprise qui sauve beaucoup de gens. Oui. Mais en art, une auto-entreprise en art, enfin, disons, en art plastique, je pense que c'est... il y a les caisses, il y a des caisses pour les artistes plasticiens qui sont déjà là, donc il n'y a pas besoin, il suffit juste d'être déclaré, d'avoir un numéro SIRET, il n'y a pas besoin de monter une auto-entreprise. Dans l'art vivant, ça pose un peu souci. En ce moment, parce qu'un artiste n'a pas le droit de vendre, on n'a pas le droit de vendre un spectacle si on n'a pas de licence d'entrepreneur de spectacle, et généralement la licence n'est pas accordée à un auto-entrepreneur. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup d'artistes qui sont quand même auto-entrepreneurs et qui disent mais je vends pas de spectacle, je vends une animation. Alors, oui, et ça convient beaucoup aux mairies et aux structures, aux associations, parce que ça coûte beaucoup moins cher que les intermittents du spectacle, qui eux sont soumis quand même à, il y a des charges assez importantes, et puis s'ils sont derrière, il y a une compagnie, il y a les charges de la compagnie, et puis des fois il y a la TVA, encore pire. Et du coup, c'est vrai que les auto-entrepreneurs se sont beaucoup développés, surtout celles et ceux dont c'est pas l'activité principale, puisque le but de l'auto-entreprise c'était vraiment ça. Et nous, en tant que compteurs, après, intermittents, quand on sent qu'on tombe sur une structure qui n'a pas trop les moyens, mais qui est très motivée pour avoir des histoires, et qu'on, nous, on ne peut pas y aller, on est content des fois de renvoyer vers d'autres personnes qui sont les compteurs de vallée, les compteurs du coin, ceux qui vont coûter sur du coup des fois moins cher, pas toujours, hein, parce qu'on vous il y a un compteur de vallée, enfin pas dans cette vallée là, mais à Gérardmer, qui dit compteur, mais qui fait l'Olympia et qui oui, voilà. C'est amusant parce qu'on le voit quand on regarde sur Internet. Il y a l'appellation compteur, même s'il a exporté le compte dans le One Man Show et ça, c'est une expérience très. Enfin moi, ça a baigné ma jeunesse, donc je ne pourrais faire aucune critique autre que élogieuse sur lui. Mais voilà, les autres. En tout cas, le petit problème d'auto-entreprise, c'est qu'on n'a pas réussi à résoudre. Pour l'instant, dans le milieu du spectacle, c'est ça, c'est que ils n'ont pas le droit de vendre de spectacle, ils vendent des animations, mais du coup, bah, si l'organisateur se fait contrôler ce jour-là, il se fait allumer par l'URSSAF, parce qu'il va devoir repayer en charge l'équivalent de la facture de l'auto-entrepreneur, il n'y aura pas de garantie, ils n'ont pas d'assurance, responsabilité civile, enfin, du coup, c'est un danger, et puis c'est un milieu, le milieu du compte est un petit peu impacté par ça, sur la question des tarifs, on va dire un compteur qui intermittent qui veut prendre son envol et avoir vraiment une carrière, au bout d'un moment, au niveau local, il va pouvoir être un peu frustré par la concurrence de l'autre entreprise, donc il va devoir prendre son envol sur la grande région, par exemple, pour pouvoir avoir une activité stable. Après, ce sont des compteurs et des compteuses qui ont les mêmes qualités artistiques, qui des fois se sont plus formés que les intermittents, sont vraiment des gens très attachants et très sympathiques. Moi, j'en connais beaucoup et vraiment, pour certains, je les conseillerais peut-être plus que le statut ne fait pas la qualité, on va dire. Mais c'est simplement, voilà, il y a aujourd'hui un souci qu'on n'a pas réussi à régler et à solutionner, que ce soit entre nous, entre artistes, sur la fixation de tarifs minimum, ou que ce soit sur au niveau institutionnel, quoi. Mais il n'y a aucun problème insoluble, généralement. On va finir par trouver. Aurélie, toi, en tant que plasticienne, on l'a dit tout à l'heure, hein, ton amour des mots, je pourrais presque dire que tu comptes également par tes tableaux. Oh, oui, je raconte des histoires, c'est ça que tu veux dire? Ben oui. Oui, quelque part, oui. T'as créé des personnages, et notamment un que vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, elle l'a dit rapidement. Mon personnage Harmonia, c'est un personnage hybride, mi-femme, mi-oiseau, qui évolue dans un univers un peu fantastique, étrange, et dans des toiles, elle apparaît, dans d'autres, elle plus ou moins, enfin, je la fais revenir, apparaître, voilà. C'est ma ligne directrice, mon leitmotiv dans toutes mes réalisations. C'est mon point de départ. Tu racontes son histoire souvent? Quelque part, oui, oui, voilà, c'est ça. Inconsciemment, et, oui. Et quand on parle de femme oiseau, alors, elle n'a pas d'aile? Non. Elle a un bec? Escargot volant, tu vois, pareil. Il y a des liens, des explications comme ça, je sais pas. Elle vole, mais tu vois, sa manière, c'est pas, elle a pas besoin, elle a des pouvoirs magiques, je sais pas. Mais c'est en ça aussi que je trouve que c'est chouette, c'est que là, pour essayer de vous faire comprendre, on dit femme oiseau, mais c'est même encore autre chose, personnage hybride, mais c'est même plus et autre qu'une femme oiseau. C'est une sorcière, en fait. Non. une dame blanche, oui, une peut-être. Fille, alors, oui. Et souvent, quand elle apparaît, d'ailleurs, c'est bien Harmonia, parce que moi, à un moment, j'ai cru que c'était Harmonia, qu'il n'y avait pas de R. C'est Harmonia. A-R-M-O-N-I-A, Harmonia. Parce que dans Harmonia, il y a Guillaume. Qu'est-ce qui ressort dans Harmonia? Harmonie, c'était ça. Il y a la mélodie. Je l'avais trouvé comme ça. Harmonie. Il y a l'harmonie. Oui, c'est ça. C'est un personnage harmonieux. Oui. Qui, quand elle apparaît, c'est là qu'on retrouve les mots. Hein. Souvent. Oui, souvent, c'est lié. Les mots et Harmonia. Elle est présente vraiment dans la toile. Il y a souvent des textes, des mots, oui, qui sont présents. Tu n'utilises pas les mots sur tous tes tableaux, mais quand il y a Harmonia, oui, c'est très souvent le cas. Et voilà, c'est l'univers là aussi. Hein, je trouve que ça se rapproche de Guillaume. En tout cas, Guillaume, lui, adapte des contes existants, des contes du monde entier. Ce sont des adaptations plus ou moins libres, j'imagine. Et puis toi, Aurélie, ben tu as créé un conte, tu as créé cette histoire. Toi, Guillaume, alors il y a deux choses par rapport à ce qu'on dit là. Déjà, adaptation. Donc, je le disais, parfois c'est à la lettre, parfois c'est très libre. Et puis, comment fais-tu? Deux questions en une, attention, prépare-toi. Attention. Pour les contes étrangers, puisque là on parle quand même souvent de contes du monde, pour les. Faut déjà les traduire ces contes-là. Oui, les textes. Oui, alors étant très fainéant, je m'appuie surtout sur des livres qui sont en français, donc qui ont été. Les contes étrangers ont été beaucoup traduits. On a eu, dès le 19e siècle, toute une vague de folkloristes qui se sont intéressés aux régions, mais qui se sont intéressés au monde entier et qui sont revenus ou qui ont envoyé en France des histoires qu'ils avaient vraiment collectées dans les pays qu'ils ont explorés en s'appuyant sur un guide. On a toujours aujourd'hui, sur Nancy d'ailleurs, quelqu'un qui était grand reporter et qui a utilisé son réseau de grands reporters pour aller collecter des histoires, donc avec des guides, et ces guides-là leur servaient lui ont servi de traducteur, et elle est revenue comme ça avec des histoires de plein de pays différents qu'elle a pu éditer derrière. C'est la maison d'édition Le Verger des Hespérides avec laquelle je collabore aussi. Et voilà, je suis un petit peu caché derrière elle. C'est un peu pareil. Je prends les histoires telles qu'elles ont été traduites. Je sais très bien que derrière le traducteur, il y a des fois des choix et des sonorités qui vont être différentes. Quand je peux maîtriser un petit peu, comme l'anglais par exemple, ça m'arrive d'aller voir quand même le conte originel ou l'italien, mais sinon pour les autres langues, l'allemand, je suis pas assez bon pour faire les frères Grimm en allemand. Je travaille particulièrement sur un répertoire irlandais en ce moment, et c'est vrai que pour certains chants à traduire, quand la traduction française me plaisait pas parce que la sonorité correspondait pas à la sonorité gaélique, je me suis dit voyons voir ce qu'il dit, et du coup en s'appuyant sur des sites internet, sur la traduction anglaise, j'essayais de me rapprocher de la traduction et du coup de réécrire moi le chant qui correspondait plus aux sonorités que je voulais entendre et que je trouvais dans le chant gaélique au départ, quoi. Voilà, ça m'est arrivé moi de traduire, mais vraiment je m'appuie énormément sur les traducteurs. On a des gens extraordinaires. Il y a des contes italiens là, des contes napolitains de Giambattista Basile, dont je suis devenu complètement fou. C'est une maison d'édition de Saint-Dié, les éditions Circé, qui les ont traduites et éditées. Voilà, le travail de l'éditeur sur le style complètement fou de cet auteur-là, de la Renaissance italienne, le travail de traduction était très bien et était assez exceptionnel. Et ça m'a nourri, ça m'a inspiré. Et je m'appuie sur ce style-là et sur ce que j'ai lu de ces traducteurs-là. On est vraiment dépendant de ce corps de métier, les conteurs, pour pouvoir se connecter à toutes les cultures du monde. Ça reste proche, d'après ce que tu dis, des contes initiales, ce que tu proposes. Tu ne prends pas trop de liberté. Non, c'est vrai que je garde les thèmes et l'histoire s'organise telle que je l'ai lue généralement, telle que je l'ai, à moins de faire vraiment d'avoir une adaptation, mais à ce moment-là, je fais plus le lien, je revendique plus le lien avec cette histoire-là et cette origine-là. C'est vrai que je respecte assez les thèmes de l'histoire, la façon dont l'histoire s'organise. Par contre, c'est la façon de la raconter, et là, je vais utiliser mes mots. Je vais garder une très grande liberté sur la façon de le raconter. C'est une belle histoire, Le Verger des Hespérides. On écoute un extrait. Tu nous en parles juste après. Ce sont des livres CD, hein, c'est ça? Oui, sur lequel il y a un conte en français et en langue maternelle, donc dans la langue d'origine de ce pays-là. Et en ponctuation de ces deux versions françaises et langue maternelle, il y a une chanson. On écoute. Oh, papa, maintenant que vous êtes là-haut perché, je vous fais ma lettre La dernière fois que vous étiez là-haut, vous m'avez confié la main de votre fille. Je voudrais l'établir dans un château, et c'est pour cela qu'il me faudrait des billes. J'ai trouvé une ruine, beau papa, avec des courants d'air par-dessus, par en bas. J'ai trouvé des maçons avec des gros bras, et de forts appétits d'ogres des bois, beau papa. Maintenant que vous êtes là-haut perché, je vous fais ma lettre. Comme elle a le goût des choses qui brillent, elle veut des bijoux recouvrant ses bras. Et vous qui voulez le bonheur de votre fille, pour elle vous saurez trouver ce qui va. Elle a des copains, des potins, des copines, qu'il nous faut loger bien comme il se doit. Il nous faut des lits, des armoires, des bassines, de jolis bidets, des chaises de roi. Oh papa, maintenant que vous êtes là au perché, je vous fais ma lettre. Je vous vois protester, taper en l'air. Votre agitation fait tomber sur moi de vos poches trouées une pluie de pierres précieuses et d'or pur. Je vous aime comme ça. Il me faudrait, pour combler la mariée, lui faire préparer des mets délicats. J'ai trouvé un marmiton étoilé qui nous réjouit mais nous coûte un bras. Oh papa, maintenant que vous êtes là-haut perché, je vous fais ma lettre. Oh papa, maintenant que vous êtes là-haut perché, je vous fais ma lettre. Vous écoutez Radio Gameozo, émission hors format, et non, mesdames et messieurs, pas besoin d'aller voir une voyante ou de vous faire tirer les runes. Je sais déjà ce qui vous attend cet après-midi. Vous allez rester à notre écoute, et plus particulièrement à celle d'Aurélie Béton, qui est graphiste et plasticienne, et Guillaume Louis, que vous venez d'entendre. Tiens, comme par hasard, le Verger des Hespérides, c'est la maison d'édition qui a édité. Alors, il y en a plusieurs, hein, des livres disques, je crois, non ? Oui, moi j'en ai fait plus d'une vingtaine avec eux, et ils en avaient fait 5 ou 6 avant, donc il y aura bientôt une trentaine de livres CD, ouais, de cette collection-là. C'est une maison d'édition très prolifique, hein, qui fait aussi des romans pour jeunes, pour ados, les livres de contes collectés dans différents pays du monde, et à chaque fois, et chaque année ils sortent un livre de contes, et dans l'année ils sortent aussi du coup 2 livres CD, donc ils choisissent 2 histoires. Donc là, vous venez d'entendre une des histoires du recueil de contes vietnamiens. Ça s'appelle « Complain de bambou sans nœud ». Ah, du bambou, ouais, du bambou, le bambou sans nœud. C'est une histoire d'un garçon qui est amoureux d'une fille, et c'est l'ouvrier, et la fille, c'est la fille du patron. Et le père lui promet la main de sa fille à condition qu'il lui ramène un bambou qui fasse 100 nœuds. Et c'est un truc impossible quoi. À trouver, forcément. Voilà, donc il part, il pleure dans la forêt, oh, je trouverai jamais, puis il tombe sur un vieux sage. Oh. Qui lui dit, ramasse-moi 100 morceaux de bambou, et avec chacun un nœud, et lui donne une formule magique qui fait assembler, puis pof, les 100 bambous se mettent les uns sur les autres, et ça fait l'objet impossible à trouver. Donc le beau-père râle un peu, mais comme il se fait percher en haut du bambou, il finit par accepter la main de la fille. Donc là, moi, je suis assez libre pour l'écriture de la chanson, il faut que ça dialogue avec le thème. Donc là, j'imaginais qu'il l'avait reperché là-haut, que maintenant qu'il s'était marié, tout ça, il avait besoin d'un peu d'argent pour aménager le château qu'il vient de s'acheter. Donc il reperche son beau-père à chaque fois en haut du bambou pour lui demander de l'argent, quoi. Voilà, c'était un peu le thème de la chanson. Ce sont des chansons pour enfants, mais on sait qu'il y a les parents qui écoutent derrière. Et puis, ma foi, depuis qu'Aldebert sévit, on a quand même une écriture de chansons pour enfants qui s'est élargie. Aldebert, le franc-comtois. Oui. Avec ses enfantillages. 1, 2, 3, ça ne s'arrête plus. Et qui a sévi dans la Meuse, dans les Vosges, hein, je crois. Oui, il a fait une résidence. Et ouais. Pour la petite histoire, il y a 10 ans, je l'attendais ici un samedi après-midi. Et il n'est jamais venu. Ah. Il n'était pas réveillé du concert de la veille. Il est venu celui qui représentait la structure. Je ne sais plus si c'était Vaujard Vivant qui l'avait fait venir en résidence. Et la personne représentante est venue. Puis il a essayé de l'appeler ici, mais non, il n'est pas venu. Et finalement, c'était un acte manqué définitif, puisqu'après, la résidence se terminait. Bon, tant pis, l'acte manqué. Et nous rigolions ici en studio, puisque pour ceux qui ont suivi l'émission depuis le début, la fille du patron, ça aurait pu être Aurélie, hein, puisque c'est le cas de l'entreprise Actimetal à Saint-Dié. Et j'en profite pour dire que toi, Aurélie, tu viens de Saint-Dié. Et Guillaume, toi, c'est la région Nancène, Saint-Max. Oui, voilà, moi j'habite à Saint-Max, mais je suis originaire d'un peu partout. J'ai de la famille originaire de la Bresse. Ma belle-famille qui a longtemps vécu à un village que vous devez connaître, s'appelle Saint-Étienne-lès-Remiremont. Ah ouais. c'est pas un peu plus qu'un village quand même. Et là, il y a des comptes. Hein. C'est vrai que nous ici, alors je sais pas, moi j'avais l'impression, mais peut-être à tort, que dans le secteur nancéen, il n'y avait pas forcément de compte, alors que les Vosges, ici, sont propices. Ici, il y a le pont des Fées au-dessus, etc. Ah oui, massif du Fossard. Je me trompe pour dire que ça peut être plus inspirant pour toi, compteur, ici, les Vosges, que où tu habites, en Meurthe-et-Moselle. Ah, disons que dans les plaines, on a des histoires de villages, des histoires d'hommes. Ici, c'est vrai qu'on est plus connecté à la magie de la nature. On sent, quand on se promène dans le massif du Fossard, il y a des visites druidiques même dans ce massif-là. La pierre de Carlinquin, ouais. Dans le sentier des Roches, il y a vraiment des points de vue et des endroits extraordinaires. Juste à côté, le Saint-Mont. On sent que c'est voilà. S'il y a des lieux où souffle l'esprit, les alentours de Remiremont, en tout cas, sont. Et puis il y a des champignons aussi. Enfin, il y a vraiment de quoi. il y a beaucoup d'histoires. Ouais. Les collecteurs, d'ailleurs, s'y sont donnés à cœur joie dans votre vallée. Il y a eu des grands collecteurs et il y a toujours eu des associations qui valorisent sur la vallée de Cleury, par exemple. C'est la monographie de fin 19e siècle sur Cleury. C'est la plus grande monographie qui a été faite pratiquement de France. Il y a encore une association qui valorise ça et qui essaye de retrouver encore des histoires, des petits fioves, des courtes histoires qui reflètent soit le légendaire, soit la fantaisie des gens. Et c'est très riche, ouais, ce qu'on trouve dans les Vosges, dans les vallées des Hautes-Vosges. C'est sûr qu'on a peut-être plus de ressources, mais on a quand même un petit peu dans les campagnes, dans les plaines. Voilà, moi je fais un mélange des deux, parce que c'est bien de parler de la nature et de la magie, et puis des fois aussi de parler des hommes, des femmes, des curés. À propos de monographie, dans les techniques utilisées pour toi, Aurélie, dans les arts plastiques, par exemple, est-ce que, ce qui concerne l'imprimerie, la lithographie ou la sérigraphie, est-ce que tu as déjà touché à ça? Oui, il y a longtemps, dans ma formation de graphiste, oui. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs années de ça. Juste dans ta formation, oui. Et après Oui, après, après mes études, un tout petit peu, mais c'est vrai que, voilà, un petit peu. Je peux pas dire que j'ai vraiment produit beaucoup, non. Et pourquoi? Oh, les rencontres de la vie, les choses que j'avais à dire artistiquement à ce moment-là, j'ai pas, voilà, forcément besoin de ces techniques-là, donc voilà. Là aussi, on comprend depuis le début de cette émission que, mais c'est peut-être aussi ton cas, Guillaume, mais en tout cas, on ressent bien chez Aurélie, c'est que ton fonctionnement d'artiste est très, encore une fois, viscéral. C'est quelque chose c'est à l'instinct que tu travailles. Oui. Bah, comme beaucoup d'artistes, on s'inspire de ce qui nous entoure, nos rencontres humaines, ce qu'on lit, ce qu'on voit. Moi, ce qui m'inspire aussi beaucoup aussi, c'est maintenant que je suis, c'est mon fils aussi. C'est mon moteur, c'est mon... Donc voilà, après, il y a plein... C'est ce qui nous fait grandir, avancer, je réfléchis... Enfin, c'est instinctif. Mais après, dans l'inspiration, par exemple, de ton fils, elle se retrouve indirectement. Je veux dire, on voit pas... Il n'y a pas des tableaux où on se dit... Non, tiens, c'est mon moteur, quoi. voilà. Non, pas du tout. En plus, je raconte jamais ma vie privée, même sur Facebook, même sur... voilà, après, j'ai dit un petit... des choses... voilà, sur un point très particulier, mais sinon, oui, c'est... Tu veux évoquer ce point ou pas? Hein? Est-ce que tu veux évoquer ce point ou pas? Ah oui, parce que tu l'as lu, c'est ça? Bah oui, et puis mon fils est autiste, enfin. Voilà, pour être bien précis dans les détails. Donc c'est mon moteur, c'est mon leitmotiv, mes réalisations, mes toiles, mes peintures, mon travail, voilà, c'est ça. Et c'est ça aussi qui me fait avancer, qui me fait progresser, c'est aussi un moyen d'expression aussi que, du coup, que j'ai depuis toute petite, et c'est aussi, que j'essaye de développer avec mon fils. Et c'était ça que je me disais, qui parle aussi à beaucoup de gens qui voudraient savoir. Parce qu'on en parle beaucoup. L'art peut aider à se développer quand on est autiste. J'espère, oui. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui le montrent, il y a beaucoup d'initiatives, oui, qui vont dans ce sens-là. Donc, ça me pousse à le faire, à continuer, à proposer des choses en rapport avec ça, voilà. On parle toujours du côté exutoire de l'artiste, ce besoin d'expression, mais il y a aussi ce côté bien-être, et même au-delà, puisque, par exemple, Guillaume, la musicothérapie, c'est prouvé. La musique... De toute façon, il suffit d'aller dans le milieu du handicap ou dans une maison de retraite. Oui. Ça m'est arrivé en tant que conteur de débarquer. Ce qui est assez amusant, c'est que les gens qui ont l'habitude de travailler dans les maisons de retraite disent « Vous pouvez pas faire une petite chanson, là ? Vous pouvez pas faire juste une musique et moins causer ?» Parce que le conte, ça demande une concentration, une mémoire, ça demande des efforts, c'est épuisant. Quand il commence à avoir des troubles de la concentration. Par contre, une musique ou une chanson, ça va directement au cœur des gens, ça les détend. Si c'est une chanson qu'ils connaissent, ils vont vouloir chanter avec, ça va les renvoyer dans un monde. Mais simplement, si c'est avec un instrument de musique, quelque chose, ça va directement... Va à l'essentiel. Mon fils, les instruments à cordes, quand je joue de la guitare et tout, il est dans les sons. Et tout de suite, ça le fait vibrer, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et dès qu'ils voient un musicien jouer de la guitare, plus des instruments à cordes d'ailleurs, et ça le transporte, c'est magique. Le piano aussi, mes parents ont un piano chez eux parce que ma sœur joue du piano, et du coup ils se mettent même à jouer des choses en plus intéressantes pour le coup. Mais il y a quelque chose qui se passe, quoi. C'est un moyen de... parce qu'il est non-verbal, donc c'est un moyen de communiquer, de s'exprimer, c'est vraiment... Pour le coup, c'est un jardin secret beaucoup plus universel que la parole. Oui. Ou comme la peinture, le dessin. On n'a pas besoin d'écrire un roman. C'est ça qui est. C'est des moyens d'expression qui sont très agréables pour ça, d'ailleurs. Aurélie, tout ce qu'on dit là me fait penser qu'un jour tu pourrais mettre ton personnage Harmonia et ton univers pictural entre les mains de Guillaume, qu'il en fasse un conte. Ah, Guillaume, ça pourrait... C'est possible, oui. Pourquoi pas un jour, t'adapterais pas un conte existant, en tout cas, quelques points de ce qui, à mes yeux, même si ce n'en est pas réellement un conte, mais Aurélie a raconté une histoire avec son personnage. Mm-hmm. Et là aussi, pour l'instant, tu t'es pas mis à la création entière d'un conte. Une création personnelle, oui. Mais j'ai toujours l'impression de m'appuyer sur des thèmes qui existent déjà, donc je mets pas en avant le fait que c'est de la création, parce que c'est vrai que j'ai travaillé sur Œil de granit, par exemple. C'est un enfant né de l'amour caché entre une fée et un tailleur de pierre. Et le tailleur de pierre, comme il sait que cet amour est impossible, il va se confier à la pierre de Kerlinquin. Et 9 mois plus tard, la pierre enfante de cet amour-là enfante de cet enfant-là qui a des yeux de granit. Il a une peau en grès rouge, mais il a deux yeux bleu-gris en granit. Mais après, j'avais l'impression à travers tout ce que vit cet enfant-là, de rendre hommage au thème de Pinocchio. Ou de Tom Sawyer sur les thèmes de l'école, sur le fait de pas aller à l'école, l'école buissonnière. De chercher ses. Donc c'est pas complètement de la création, voilà, parce que j'ai l'impression de m'appuyer sur des thèmes qui m'ont plu, même si ça ne ressemble pas. Mon œil de granit, il va jamais dans le ventre d'une baleine. Hein. Mais il aide son père qui va collecter des pierres près d'un volcan, et le volcan s'énerve parce qu'il veut pas qu'on lui pique ses enfants. L'enfant va sauver son père quand même, mais c'est pas contre une baleine, c'est contre un volcan en éruption. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est grâce peut-être à toi qui es de la banlieue, j'ai envie de dire, nancéenne, grâce à tes balades vosgiennes dans le domaine du Fossard, par exemple, que tu as qui t'ont inspiré plutôt pour ce conte. Oui, la pierre de Kerlinquin, c'est pas la seule pierre de fertilité qui existe, mais c'est la plus fameuse, voyons. Et puis c'est celle qui fonctionne de façon garantie, puisqu'à chaque fois que les mamans vont chercher leur enfant là-bas, elles reviennent avec un enfant. En tout cas pour les petits, ça marche. Pour les grands frères et les grandes sœurs qui attendent cet enfant-là. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quel que soit l'endroit, que soit le pont des Fées, il y a le lac des Fées aussi au niveau de Saulsur sur Moselotte. Enfin, tous les endroits, il y a plein d'endroits qui sont connectés, dont le nom est connecté à une légende, à une féerie. Les prairies aux sorcières. C'est assez riche. C'est vrai qu'on trouve, chez nous là-bas, on a des prairies calcaires, donc on a des grottes, donc on peut aussi avoir quelques fées, quelques histoires, mais c'est sûr qu'on a l'impression qu'il y a une plus grosse concentration dans les Hautes-Vosges, quoi. Et les légendes se rejoignent quelque part, on peut retrouver des personnages identiques, etc. Oui, et dans le monde entier, on retrouve les mêmes personnages ou ils changent de nom? Des fois ils changent de nom. Nous, chez nous, on a il y avait Jean Le Diau, Jean Bête, qui est un personnage qu'on trouve un peu partout en France, en Bretagne, dans le monde, dans le Maghreb, c'est Djeha, ou c'est le Hodja. Dans le Moyen-Orient, c'est Nasreddin Hodja. Quand on remonte un petit peu, on va le retrouver, ce sera le Sroulek. Et si on va à la Bresse, on va entendre parler du Dobek. Dobek, qui a vraiment existé, qui a fait plein de bêtises et qui des fois avait, des fois on raconte sur lui des choses qu'on retrouve chez Nasreddin Hodja ou chez Jean Bête, le Jean Bête ou Jean Le Diau de Bretagne. Et donc c'est vrai qu'on a, on a des personnages et du coup on a des histoires du monde entier qu'on peut adapter à ici, quoi. Mmh. On a des histoires de villages de fous aussi. Qui sont concentrés des fois sur un. Alors on a près de Lunéville, on a comme ça les contes de Frimbois. On se moque un peu de ce village-là et on lui met toutes les. Alors quand on parle des histoires de curés ou d'instituteurs ou de maires tournés en ridicule, on a un bon concentré dans les contes de Frimbois. Mais en fait, les contes de Frimbois, c'est un concentré d'histoires qu'on trouve dans plein d'autres villages des plaines en Meuse, en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, et qu'on retrouve aussi dans les Vosges. Bon, ça a été concentré par un éditeur à un moment donné, par un instituteur qui a sorti ça, qui a compilé toutes ces histoires-là. Et ben, curieusement, je suis tombé un jour sur un recueil de contes et légendes de Turquie, les anecdotes de Kara Tepe. Eh ben, on retrouve exactement les mêmes histoires que dans les contes de Frimbois, dans ces contes de Turquie, dans les contes de Helm. Helm, c'est pareil, c'est un village d'idiots, c'est des histoires polonaises, juives. Eh ben, on retrouve les mêmes histoires que à Kara Tepe en Turquie ou que à Frimbois en Lorraine. Il y a vraiment, comme si ces histoires-là, où on se moque du village d'à côté. Ouais, comme si ces histoires-là, elles se sont adaptées, au cadre et au lieu, voilà. Mais c'est comme les instruments de musique, puisque, il y a beaucoup d'instruments du monde qui sont de familles identiques. Par exemple, le luth, on le retrouve décliné de différentes façons selon la région du monde où l'on est. Oui. Tu n'as pas de luth ici? Mais si, J'ai un instrument qui est de la famille de cette grande famille-là. On va dire que c'est une cithole. C'est la grand-mère de la guitare. C'est autour du 10e, 12e siècle. Sur les moments où il y avait des cours, les cours étaient itinérantes, notamment sur tout le côté de l'Occitanie. Le roi n'avait pas un seul château, et puis pour pouvoir gouverner sur les différents domaines, il allait à un château puis à un autre, et du coup les cours étaient itinérantes, donc les instruments de musique devaient pouvoir être transportés facilement, voilà. Et du coup ça fait partie de ces instruments-là, une cithole qui est vraiment un peu comme la guitare, il commence à y avoir des frettes. C'est vraiment le début des instruments avec des frettes. Et c'est le début où les, c'est le moment où les cordes pincées, les cordes frottées se séparent. C'est-à-dire qu'avant, les instruments pouvaient être pincés ou on pouvait avoir un archet. Et celui-là commence à être spécialisé dans le pincement. Et juste avant que tu joues, dire Aurélie peut en témoigner, c'est que l'acitole, encore une fois, un objet d'art sculpté, etc. Hein, la rosace, on voit, c'est enfin, là, c'est vraiment. Oui, en plus, c'est alors le luthier qui a retravaillé dessus est vraiment parti de documents anciens. On voit dans les détails pour pouvoir les refaire. Et la tête est taillée, c'est une tête, on va dire une tête romane, une bonne bouille joufflue, le nez épaté, puis même des chignons. Chignon bélier, les cheveux vraiment tout en et sculpture, manche, assez simple. Vachement pratique le manche. Oui, le manche est assez épais pour pouvoir supporter la tension de la corde, mais du coup ils ont fait un trou pour pouvoir déplacer le coude, le pouce et du coup la main. Ah oui, glisser plus facilement. Voilà, pour glisser, ouais. Et il y a quatre cordes. C'est pas accordé comme une guitare, c'est accordé. Est-ce que c'est normal que pour les guitares, ils n'utilisent pas ce manche-là, puisque comme on vient de le dire, c'est très pratique? Oui, après, c'est vrai qu'avec la création de la guitare, c'est plus récent, donc on a trouvé des bois qui étaient assez solides pour supporter la tension des cordes, et du coup, on a des manches qui sont plus fins. Mais là, c'est vrai que tout était taillé, en fait, le manche, la tête et le corps étaient taillés dans le même bois à l'époque. On rajoutait juste la table d'harmonie. Avec un bois plus fin et plus solide pour renvoyer le son. Donc c'est vrai qu'il fallait pouvoir tailler et pouvoir déplacer le pouce. Donc à cette époque-là, on avait un manche aussi large, aussi épais que le corps de l'instrument. Mais pour compenser, pour que ça reste pratique, on a taillé pour que le pouce puisse se promener pas trop loin du manche et soit pas embêté. C'est vrai que c'est plus facile à montrer qu'à expliquer. Et on va l'écouter maintenant. Oui. Et peut-être que tu pourrais nous jouer un extrait d'un spectacle que tu tournes encore aujourd'hui, je crois. En tout cas, qui est charnière dans ton parcours artistique de conteur, c'est La Razzia. Oui, c'est vraiment un spectacle qui a pris son temps. C'est la rencontre avec une épopée irlandaise. Je me disais beaucoup de thèmes qui m'intéressaient, qui me plaisaient vraiment à chaque pas. Je me disais mais il racontait ça à l'époque. C'est une épopée celte irlandaise. Les Celtes écrivaient pas leurs épopées, donc ce sont des moines du Moyen Âge qui ont retranscrit. Ils ont rajouté un petit peu leur poésie et leur sensibilité courtoise dessus. Et aujourd'hui, c'est une histoire qui est le point d'orgue de tout un cycle de plein d'autres histoires. Donc c'est vrai que c'est pas évident de le partager aujourd'hui avec un public, parce que le public n'a pas, comme les à l'époque, les éléments des autres histoires, voilà, ne connaît pas tous les personnages de cette grande saga-là de la branche rouge de l'Ulster. Mais je sais pas, c'est un coup de foudre. C'est une histoire que certains conteurs ont considéré longtemps comme impossible à raconter, puisqu'il faudrait raconter toutes les autres pour que le public comprenne. Mais il y a des thèmes, moi, qui m'ont parlé. Par exemple, Guillaume, sur ton site internet, on peut voir, et ça va un peu à l'encontre ce que tu dis là, c'est-à-dire, en tout cas, c'est pas toi qui le dis, mais c'est souvent une idée reçue qu'on a, c'est que ce conte-là est difficile à comprendre si on n'a pas tous les épisodes, je dirais, mais il y a des moments, par exemple, on peut voir une vidéo Corel sur l'oreiller ou Sean Fergus sur guillaumelouis.fr, où c'est très clair, même sans connaître les autres éléments, on a, moi, je trouvais que la compréhension était très bien. C'est vrai que c'est une épopée, c'est un mélange de plein de petites histoires courtes, de plein de fables. Donc c'est vrai que l'avantage de faire des extraits, c'est qu'on présente un extrait, une fable. Donc c'est souvent des histoires courtes qui se terminent à un moment donné. Et donc on peut facilement comprendre. C'est l'accumulation sur tout un spectacle d'une heure et demie, deux heures, trois heures de toutes ces histoires-là qui peuvent à un moment donné devenir pâteux. Mais il y a des conteurs qui s'en sortent très bien. Moi j'ai vu l'été dernier Tristan et Iseu, qui vraiment avec beaucoup d'épisodes par un conteur de Marseille qui vraiment s'en sortait bien. Ça durait 3 heures. Il n'y a pas un moment donné où on s'ennuie, quoi. Et il joue pas toujours d'un instrument, il raconte, des fois il chante, des fois c'est rythmé, des fois ça bouge, mais c'est vrai que c'est un travail. Alors moi je suis allé me former auprès de Bruno de la Salle, qui était au Clio à Vendôme. Ça fait 3 ans là que je suis cet atelier là qui est spécialisé dans les grands récits, dans la narration versifiée, la narration chantée, et c'est un peu chez lui que j'ai essayé de développer une forme d'écriture. Et du coup de narration complètement différente de ce que je fais d'habitude, puisque d'habitude je suis plus dans l'improvisation, et là pour le coup, pour ce projet-là, je colle un peu plus à un texte, quoi. Voilà. La Citole que nous allons entendre tout de suite, oui. Louis. C'est un roi avec une reine couchés ensemble dans un lit. Que font-ils? Ils parlementent, cherchent querelle dans leur nid. Élie, le roi du Kono, prétend qu'une femme n'a de mérite et de valeur qu'en se mariant avec un mari noble et riche. Mève la reine lui répond, j'étais de valeur avant toi, et si tu règnes sur ces terres, c'est grâce à mon valeureux père. Je suis la fille du grand roi, le souverain des 5 provinces. Faire leur fils de Fine et petit-fils de Fine Domain. Des 6 filles du roi d'Irlande, je suis bien la plus généreuse. J'ai pour ma garde personnelle une armée de nobles naissances. Voilà pourquoi j'ai hérité de cette contrée qui t'héberge, le Kono et mes pâturages. Voilà la terre où tu gouvernes, et c'est bien moi qui t'ai choisi, plutôt que le roi du Leinster. Je t'ai préféré au mari que m'offrait ta Raoul Ulster. Moi qui suis fille du grand roi, le souverain des 5 provinces, et aurait de faire le fils de Fine et petit-fils de Fine Domain, lui-même le fils de Fingan, descendant du brave Finguin. Ce qu'un gendre offre à son beau-père, moi je le demande en personne. Avant moi, aucune autre femme n'exige à cette dot-là. Je te voulais sans avarice, digne de ma grande bonté. Je te voulais sans jalousie devant tous mes amants passés. Et je te désirais sans peur, pour batailler à mes côtés. C'est toi que j'ai choisi, Élie, seulement pour ses qualités. Moi qui suis fille du grand roi, le souverain des 5 provinces, aurait de faire le fils de Fin et petit-fils de Fin Domain, lui-même le fils de Fingon, descendant du brave Finguin, qui descend du rouge Rogan au 6e degré. Rigan, à toi qui n'étais pas avare, pas un jaloux ni paresseux, je t'ai offert ces cadeaux rares, assez de 6 tissus pour 12 hommes, un char qui valait bien 7 femmes esclaves, une feuille d'or rouge recouvrant ton visage, et ce beau lingot d'électrum. Un rival te fait des histoires, ce que tu obtiendrais de lui, je le recevrai de toi, car tu es homme sur bien de femmes. Moi qui suis fille du grand roi, le souverain des 5 provinces, aurait de faire le fils de Fin et petit-fils de Fin Domain, lui-même le fils de Fingon, descendant du bras le Finguin, qui descend du rouge Rogan au 6e degré. Rigan, au 7e du grand Blatar, au 9e de Beotar, au 10e de Nahagner, au 11e d'Engusturber. Élie sourit et sans colère prétend être roi du Kono, non du mariage mais par sa mère, c'était la fille du roi Maga. Et il évoque ses grands frères, roi du Leinster et de Tara. C'était une loi de la terre qu'un homme régnât en Kono. Les 2 amants dans leur grand lit, s'en prétendent propriétaires, Chaque brindille de ce nid se change en un trésor de guerre. Merci Guillaume Louis dans le studio de Radio Gemozo en direct pour l'émission Hors Format. C'était Querelle sur oreiller, extrait du spectacle de Guillaume qui s'appelle La Razzia. Oui, le titre entier du livre c'est La Razzia des vaches de Coulée ou La rafle du taureau brun de Coulée en fonction de la traduction. Il y a autant de titres que de traductions existantes où je fais La Razzia, c'est plus universel. On parle depuis le début du fait que les contes et légendes, bien, c'est mondial, hein, tu vas en chercher un petit peu dans toutes les cultures, mais c'est aussi une histoire d'histoire. Quelque part, tu es historien, presque. Oui, puisque chaque légende, chaque histoire nous renseigne sur la culture, sur cette culture-là, sur une photographie de cette culture-là et de cet état d'esprit à un moment donné. Donc c'est vrai qu'on entre avec les petites histoires, on rentre facilement dans la grande ou dans la façon dont un peuple a digéré des fois la grande histoire. La citole que tu nous as fait entendre là, c'est du Moyen-Âge. Oui. C'est ça vient de quelles origines? Alors on l'a retrouvé à peu près sur tout l'arc atlantique. Il y a des luthiers qui la reconstituent en Angleterre. On a retrouvé des traces comme ça. C'est pour ça que je parle pour expliquer des cours itinérantes. On a des traces de cette citole-là à Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur des livres aussi, un livre de chant monophonique castillan, les Cantigas de Santa Maria. Et voilà, du coup, on suppose qu'à l'époque d'Aliénor d'Aquitaine, quand elle s'est mariée avec le successeur, là, le petit-fils de Guillaume le Conquérant, qui est devenu à la fois, il régnait sur, quand on dit tout l'arc atlantique, il régnait sur un domaine, la Normandie, ils ont annexé la Bretagne à un moment donné, ça descendait sur toute l'Aquitaine et ça montait en Angleterre. Ils ont eu même l'Irlande à un moment donné, donc ils régnaient là-dessus et voilà, les cours étaient itinérantes. Donc c'est à ce moment-là que les instruments aussi se sont mélangés. Que les différents luthiers, les différents troubadours aussi ont exploré les techniques des autres et les instruments des autres et ont créé des chants. Donc on avait cet instrument-là fait partie de cette période-là où les premiers troubadours où on a la trace des premiers troubadours parce que leurs textes ont été transcrits. Voilà. Et qui dit troubadour dit lyre. Ah oui. Et elle est là, la lyre, et vous connaissez tous Astérix, Obélix et surtout Panoramix, le druide. Ah oui, bah lui. Ah ben là, Panoramix, c'est Guillaume Louix. Oui, c'est vrai que à chaque fois que j'en joue sur un spectacle, je précise que ce n'est pas un instrument que l'on plante dans la tête d'un barde, que l'on bâillonne au moment d'un banquet. qu'on peut aussi l'entendre chanter. T'inquiète Guillaume, ni Aurélie ni moi ici présents ne sommes poissonniers. Non mais souvent c'était avec le poissonnier que... Oui, qui oui, ça, vrai, voilà. Avec des soucis, donc il n'y en a pas là, t'inquiète. Bon. Donc on peut en faire tu un peux peu. En jouer. Ouais. De la lire et peut-être que tu nous en diras quelques mots après. Oui, j'en fais écouter un peu, ouais. Aussi dans le spectacle La Razzia de Guillaume Louis avec la citole qu'on a entendue précédemment. Qu'est-ce que tu peux dire? Alors ça, c'est une reconstitution d'une lyre gauloise. C'est assez amusant de dire une lyre gauloise reconstituée parce qu'on a une seule représentation historique de la lyre gauloise, c'est une statue, la statue de Saint-Paul, où on a un personnage qui est représenté en tenant la lyre entre les mains, mais bon, clairement la forme de cette lyre-là correspond à la forme de cette lyre retrouvée sur la statue. Après, le luthier a travaillé sur les éléments qui étaient à disposition des Gaulois à l'époque, donc on a un instrument qui est taillé, le corps et les deux manches sont taillés dans un même morceau de bois. Comme pour la citole, c'est le même luthier qui a travaillé dessus, et on a les cordes sont en boyaux, la table d'harmonie c'est la peau de chèvre qui est tendue, elle a été clouée sur le corps avec des clous en bronze pour rester vraiment voilà, on a le cordier qui tient les cordes en suspension, c'est de la corne, et on a un chevalet qui est en poirier, qui est un bois. Les bois fruitiers sont souvent les plus rigides et ceux qui transmettent le mieux le son. Le poirier, le merisier sont souvent privilégiés. Donc il a essayé de reprendre les éléments, les outils qui étaient à disposition des Gaulois à l'époque pour essayer d'avoir une facture qui colle le plus à ce que les Gaulois pouvaient faire à l'époque. Alors, la seule particularité de la représentation de la lyre de Saint-Paul, c'est qu'il y a une barre qui traverse les cordes, et que cette barre-là, moi je soupçonne que ce soit une sorte de capot d'astre que l'on peut bouger assez facilement avec une main pendant que l'autre pince les cordes, qui permet de changer de gamme. Parce que sinon, sur la lyre, le problème c'est qu'on reste, voilà, on reste sur cette même gamme-là constamment. Et je pense que eux, alors c'est bien pour faire un chant, hop, on est sur une gamme, on change pas trop de chant, mais je pense qu'à un moment donné, ils ont dû mettre cette petite barre-là qui coinçait les cordes, et puis pouvoir la bouger, et du coup changer, et puis faire des chansons avec plusieurs accords. Mais ça, pour l'instant, les luthiers qui travaillent sur les reconstitutions n'ont pas encore osé travailler dessus, ça demande sûrement des recherches techniques. Moi, le luthier qui me l'a fait m'a dit « Si tu me renvoies ta lyre, je veux bien faire des recherches dessus, mais je la garde pendant 6 mois, et voilà, le problème c'est qu'on est attaché à ces bestioles-là et qu'on y joue assez régulièrement en spectacle, donc je pouvais pas, je serais obligé de lui en recommander une le jour où j'ai les moyens de lui commander ça. Il y a un luthier spécialisé en instruments médiévaux En France ou Mais toi par exemple, tu vas pas faire cet instrument, cette lyre gauloise chez les luthiers de Mirecourt? Il n'y a pas de spécialiste? Non, il y a un spécialiste du nickel arpa, il y a des spécialistes d'instruments à cordes autour du violon, de la contrebasse. Il y a même quelqu'un qui a ressorti, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est une énorme contrebasse, je crois que c'est l'orchestre du Québec, de Montréal, qui lui en a commandé. On a vu ça dans Rouge Matin. J'ai vu ça dans Rouge Matin. Ouais, il y a quand même des spécialistes, des gens très, très, très doués un peu partout dans les Vosges. On en a un sur les épinettes qui a Don Martin. C'est Christophe Toussaint. Voilà, que je suis déjà allé voir et qu'il y a des épinettes vraiment de différents modèles. Je crois qu'il en a même une. Il a fait des échanges avec Tibor Gatz, qui est lui un constructeur d'épinettes. Ils appellent ça des sitars en Hongrie, mais on sent qu'il a fait des échanges. Voilà, il a des instruments qui viennent d'Afrique aussi. Donc il a fait des recherches et il a nourri. Mais il fait des épinettes lui des Vosges. Il s'est spécialisé là-dedans et c'est un passionné. Il fait et ça c'est ça. Bien. Les luthiers ont souvent des spécificités. Alors toi, pour la lyre gauloise ou la citole, tu vas où? Est-ce qu'il y a un spécialiste des instruments du Moyen-Âge? C'est un luthier que j'ai rencontré à Saint-Chartier qui s'appelle Margoton. C'est un jeune luthier qui est en Ardèche et qui travaille et que vous pouvez retrouver souvent dans des manifestations sur l'archéologie où il vient avec des instruments vraiment très anciens. Il fait aussi des créations originales. Il a tout un ensemble d'instruments du Moyen-Âge ou d'instruments de l'Antiquité sur lesquels il a travaillé, il a fait des reconstitutions et il fait des créations. Il a notamment travaillé sur des basses montées sur des crânes de bélier, enfin sur des choses assez étonnantes comme ça. Voilà, la citole là, je crois qu'il y a Arbogast qui a un modèle pareil, et sauf que lui, il utilise en plus son archer, il frotte dessus. Mais c'est un luthier qui est assez réputé dans le milieu comme ça des constitutions, mais c'est pas le seul. Hein. Il y en a plein d'autres qui travaillent sûrement très bien. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à Saint-Chartier, et ses instruments m'ont tout de suite plu. J'ai l'impression qu'ils sonnaient tout de suite bien dans mes mains. Donc ça a été un coup de foudre. Mais je pense que ça peut avoir lieu avec d'autres. Encore un joli instrument, un objet d'art pour moi, que cette lyre gauloise, et qui pourrait bien t'aller, Aurélie. Pourquoi ? Parce que elle est peinte, lyre est aussi sculptée. Et toi, en plus de la peinture, tu sculptes ? Oh, je fais des petites bidouilles. C'est des petits essais. Je récupère des matériaux, je fais des assemblages, avec mes petits moyens, les petites bidouilles, des recherches, et puis des fois ça amène à des sculptures, à des choses plus intéressantes. Donc ouais, en ce moment, disons que c'est plus au stade de recherche, je tends vers des choses plus sérieuses, mais tu travailles les volumes? Oui. Et parfois, on peut voir hein, sur le site escargotvolant.net qu'il y a alors des volumes, j'avais envie de dire, faits de briques et de broc. Oui, voilà, c'est ça. De gobelets et de cure-dents, par exemple. C'est des expérimentations, j'appelle ça des expérimentations. Des fois, je m'exprime, je dis quelque chose, ça sort... Il y a des choses un peu étranges qui sortent, des petites bidouilles. Et puis ça va dans l'air du temps qui est au recyclage. Oui, si tu veux. Oui. On peut faire des œuvres d'art avec des choses qui dans un premier temps pourraient être amenées à être jetées ou en tout cas à ne pas jeter. Se dire que l'art, ce n'est pas qu'une histoire de matériaux. Dit noble, ça peut être aussi avec tout. Ah oui, tout autre. Voilà. C'est toi ce que aussi tu veux dire dans la manière dont tu t'exprimes artistiquement, c'est que tu peux. Ce qui m'inspire plus, ce que j'ai autour de moi, ce que j'ai sous la main, Après, dans mon environnement autour, j'ai fait aussi par exemple sur mon site, je mets des dessins. J'ai fait mon personnage Harmonia que j'ai dessiné avec de la craie sur des portes, sur des pierres, des supports à mon travail. Donc c'était en plus c'était éphémère là pour le coup. C'était ce qui peut ressembler à des mouvements artistiques bien connus comme le Land Art, des choses comme ça. Donc c'était sur la durée, avec la pluie, ça s'est effacé au bout de X jours, X mois. Donc c'était des choses, sur le moment, sur des portes rouillées, des portes de dépôt, des choses comme ça, j'ai changé de support au lieu d'étoiles, des choses plus classiques. J'avais envie de mon personnage Harmonia apparaisse sur d'autres supports plus contemporains, on va dire, donc voilà. Œuvre éphémère, mais heureusement, l'appareil photo existe depuis déjà quelques temps. Oui, donc ça me permet de laisser des traces. Vous pouvez voir les photos sur le site escargotvolant.net et voir comme mine de rien, une simple craie, une porte rouillée, et tout de suite, avec ce personnage qu'Aurélie a créé, Aurélie Béton, qui s'appelle Harmonia, ça a rendu, rien que sur la photo, moi je trouve que ça en jette. Merci, c'est gentil. Mais en tout cas, c'est vrai que ça donne des idées. C'est des recherches, ça fait partie de mes recherches. Artistique. Et toujours. L'expérimentation. Faire s'exprimer et faire exister Harmonia un peu partout, sur tous les supports, toutes les matières. Même. Avec différentes techniques, Je vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais même sur du béton. Tu l'as dessiné. Ça s'écrit pas pareil, mais c'est voilà. Il y a des choses écrites. C'était le destin. Un peu partout, hein. Et est-ce que ça pourrait te donner des envies un peu comme les graffeurs d'aller comme ça faire vivre Harmonia un peu partout. Je me le suis dit en le faisant. Et faut que je me mais après c'est le temps, faut que je me donne du temps, c'est une organisation c'est tout. C'est comme tout. Mais est-ce que tu pourrais aller le dessiner en ville ou je sais pas? Oui, faudrait, mais faut faut pas se faire prendre, c'est avec de la craie, donc ça va, ça j'abîme pas. C'est pas abîmé, je ferai ça sur des choses, Mais oui, ça sera intéressant. Guillaume, toi, alors, ce spectacle, la Razia, et encore, j'ai pas dit le nom entier, il y a des vaches de coulée dedans aussi. Oui. C'est un moment charnière. Tu l'as un petit peu expliqué, mais pas totalement, et ça nous permettra aussi, et puis quand on parle de vos formations respectives, de parler d'un endroit qui n'est pas rien. Tu parlais du Clio à Vendôme, on va dire ce que c'est. Toi, c'est charnière, puisque si j'ai bien compris, avant cette rencontre, avant cette formation, tu étais beaucoup dans l'improvisation, et puis tu as compris, appris qu'on pouvait faire différemment. Et tu nous expliques. Oui, alors je suis tombé sur quelqu'un qui dont pour lui le pari poétique c'est de faire une écriture en vers en métrique quoi et de pouvoir avoir du coup une histoire qui est plus narrative, c'est-à-dire qui est plus facile à comprendre avec une écriture en vers. Alors que moi qui bon, des fois écrit des chansons ou fait des poèmes, l'écriture en vers pour moi c'est on peut y glisser des mystères, on peut se dire que la personne va avoir plaisir à écouter plusieurs fois et qu'au bout d'un moment il va accéder au sens, mais que le but c'est plutôt d'être dans la musicalité, dans la beauté des mots, dans une là Bruno de la Salle lui pour lui son pari c'est la versification, faut pas forcément que ça rime à chaque fois, mais en tout cas ça installe un rythme, ça installe une musicalité qui va faire que les gens vont rentrer dans l'histoire et vont être plus facilement dedans, mais à condition que l'histoire soit vraiment bien écrite au cordeau. Moi, ça m'est arrivé, je raconte souvent en appuyant sur un instrument, ma voix se rythme, ça passe du conte au slam, mais c'est jamais vraiment écrit. C'est-à-dire que j'ai réussi à prendre cette habitude-là d'avoir une voix qui s'harmonisait à l'harmonie de l'instrument ou qui s'appuyait sur le rythme d'un autre instrument. Là, lui, c'était vraiment quelque chose de très nouveau pour moi de travailler sur une écriture, sur un peu comme au théâtre, sur une écriture, ouais, narrative et versifiée, et sur quelque chose qui va falloir apprendre et après partager. Le fait que ce soit chanté en partie, hein, c'est pas tout, je passe pas une heure et demie à chanter, mais le fait que ce soit en partie chanté me donne l'impression d'apprendre des sortes de chansons un peu particulières, mais c'est vrai que c'est un travail nouveau. Alors c'est quelque chose que lui a complètement ouvert, hein. Le métier de conteur, c'est un métier depuis les années 70 seulement. On a eu une tradition qui a été complètement coupée de la tradition des troubadours, des conteurs de cours. Il y a un moment donné où le métier a disparu. Et donc on n'a pas, contrairement à certains autres pays qui sont restés dans ces traditions-là, nous on n'a pas de transmission, on n'a pas d'école et on n'a pas de transmission fraîche. Les premiers là qui nous transmettent sont des conteurs qui ont entre 70-80 ans aujourd'hui et qui ont été les pionniers et qui inventent une sagesse qu'ils puisent un petit peu dans ce qu'ils ont vu, rencontré dans les autres pays, mais qui ont eu tout à déchiffricher, tout à inventer. Donc c'est vrai que voilà, nous on reprend le flambeau. Derrière, on a une responsabilité si on veut que cet art continue à perdurer. Mais ce sont eux qui ont construit les premières maisons du conte aussi, qui ont ouvert les maisons du conte. Il y en a une à Cheville-la-Rue, il y en a une en Arles, les Arts du Récit, il y en a une à Grenoble aussi. Et il y a celle du Clio, le Clio à Vendôme, qui était la première maison du conte à avoir ouvert en France. J'y étais parce qu'elle a dû fermer ses portes en décembre parce que la DRAC finançait plus. Je crois que les pouvoirs publics, il y a des moments où ils n'arrivent plus à trop comprendre ce que peut apporter le conte dans le monde. Ils n'ont plus compris, ils n'ont plus voulu considérer que l'héritage de ce premier conteur-là, de ce pionnier-là, était important, et que le conservatoire de littérature orale contemporaine, qui était le Clio, ait un intérêt. Donc la structure était financée plus que sur des projets, et non plus comme l'aurait dû être une scène conventionnée sur 3 années, puis après on fait. Donc il devait plus passer de temps à faire des bilans qu'à faire de l'action sur le terrain. Et à partir du moment où une association est comme ça, dépendante de subventions et des comptes rendus des subventions, il y a eu un bureau pendant un an bénévole qui s'est beaucoup investi avec l'équipe professionnelle dedans. Ils ont beaucoup dégraissé, hein, et ils sont passés de 6 employés à 3 employés vraiment pour continuer, mais ça n'a pas suffi. Et c'est une grande aventure. peinture qui s'éteint, mais l'atelier de Bruno de la Salle continue, mais c'est plus dans les locaux du Clio aujourd'hui, c'est à Paris, aux ateliers de la Parole, c'est dans le 11e arrondissement, parce que cet atelier-là est vraiment important et suivi par des conteurs et des conteuses de la France entière, quoi. Oui, puisque le Conservatoire contemporain de littérature orale, hein, le Clio, était à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Oui. Et malheureusement, comme tu viens de l'expliquer, c'est terminé. Et pour répondre à ce que, par exemple, la DRAC disait, c'est quand même assez triste, puisque quand même les contes, ce sont nos origines, finalement, ce sont les racines. C'est toujours l'histoire de si on commence à renier les racines. On dit même que c'est ce qui a distingué l'homme de l'animal, c'est-à-dire que quand des animaux qui communiquent quand même ensemble se rencontrent un danger dans une forêt, ils vont pour les plus doués d'entre eux réussir à se prévenir. Que soit les fourmis ou les insectes par des informations chimiques, ou nous, ce qu'on voit le plus facilement, ce sont les chiens ou les vont aboyer à l'endroit où il y a un danger et du coup vont faire dévier leur congénère. Nous, par la langue, on a pu raconter, c'est-à-dire qu'on a pu dire il y a un danger, on a pu expliquer, raconter ce qui nous était arrivé, et c'est ce qui a permis à l'homme, apparemment, parce que ce que certains disent dans les théories les plus récentes, c'est ce rapport là au langage narratif qui a permis de transmettre beaucoup plus facilement des connaissances ou des croyances, puisque des fois les connaissances ont toujours été très imparfaites, et du coup de construire quelque chose et de permettre aux gens de collaborer ensemble. Et donc c'est vrai que la narration, elle est accessible à tous ceux qui savent parler, c'est-à-dire pas à tous les humains mais à un grand nombre. Cette narration là alors après il y a des conteurs professionnels qui essayent de développer des techniques spécifiques pour mériter un salaire, mais en tout cas c'est à la fois un art et à la fois quand on se raconte quand on fait quoi rouge au bout du jardin et qu'on se raconte ce qu'on a fait ce week-end ou ce qu'on va faire ce week-end, et on se raconte, on se met des fois un bon rôle dans ce qu'on raconte, ou un meilleur rôle que ce qui n'a été au moment où ça s'est passé, parce que quand même il y aura personne pour vérifier, en tout cas le voisin ira pas vérifier, à moins que le mari raconte sa version derrière ce qui peut arriver, mais c'est vrai que la narration, elle est pratiquée par tout le monde, et c'est un art qui nous connecte à nos racines aussi, et qui nous connecte à un imaginaire et qui nous connecte aux autres cultures du monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très précieux pour ça. La formation d'Aurélie Béton, artiste plasticienne, t'étais à l'école de... Je suis allée à la petite, à partir de l'âge de 9 ans, à l'école de dessin à Saint-Dié, c'est pas grave. J'ai passé un bac art plastique et un BTS. Mais non, c'est pas grave Aurélie, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, pardon. L'école de dessin à Saint-Dié, c'est le nom en fait, voilà, c'est ça. Oui. Et puis un bac art plastique et puis un BTS en communication visuelle. Voilà, une formation classique, pas... Est-ce que tu avais pensé, est-ce que peut-être encore aujourd'hui, compléter cette formation par autre ? Si, bah justement, faire peut-être des stages dans la sculpture, les choses comme ça. Voilà. Mais c'est... Faut, voilà, faire des stages dans la sculpture pour faire des choses en volume beaucoup plus important et voilà. Des assemblages, ouais. De morceaux de façon de bois, plus... par exemple. Plus sérieuse, plus professionnelle, plus... voilà. Mais j'aimerais tendre à ça. Là aussi, hein, la limite en art, c'est-à-dire souvent on dit apprendre pour savoir désapprendre. Et c'est pareil. J'en reviens aussi aux matières tout à l'heure, où quand on parle de volume, d'assemblage, il y a des choses très enfantines, mais c'est aussi un style. C'est-à-dire que c'est pas. Parfois, on peut dire, on entend souvent en art contemporain des ah oui, non, du on public, moi je pourrais le faire, ça. Ah ouais, ça je pourrais le faire. Non, mais il y a une démarche, il y a une idée, quoi. Voilà, il y a quand même une démarche, il y a une réflexion derrière, il y a une idée. Je vais pas faire quelque chose gratuitement pour me dire, tiens, j'ai pris 3 photos et ça fait joli, quoi. Heureusement. Après, il y a. Mais oui, faire après, puis refaire d'autres stages aussi pour approfondir certaines techniques, voilà. Tout simplement. Tout à l'heure, quand tu nous as fait entendre la lyre gauloise, Guillaume, j'ai pensé, peut-être à tort, tu vas me le dire, à un son qui pourrait se rapprocher, alors à d'autres instruments, eh oui, la kora, cet instrument africain. Là aussi, dans ces instruments du monde, ce qui est toujours génial, c'est que c'est fabriqué avec de la matière qu'ils ont, c'est-à-dire ça peut être des légumes, ça peut être des animaux, des peaux de chèvre, par exemple, pour des tambours. Et là, la kora, ben, je crois que c'est un peu des deux, c'est qu'il y a de la calebasse pour le coffre qui est... Donc la calebasse, c'est un légume. Oui. Et ouais. Puis, il y a de la peau pour... Alors oui, on dirait une peau de léopard, mais c'est une peau de chèvre, hein, qui est parcheminée, qui est rasée et mise dans l'eau. Et après, ils entourent la calebasse avec et ils cloutent. Alors cette calebasse là, cette peau là, elle est un peu particulière parce que la peau d'origine que j'ai eue moi avec des changements de température assez brusques qu'on a en Lorraine, elle a pas supporté. Donc il a fallu que je la change et ça a été toute une histoire et du coup ça fait perdre un peu l'identité à cet instrument parce que dans la kora, le luthier, sa signature, c'est la course des clous. C'est-à-dire c'est le dessin que font les clous qui collent la peau à la calebasse, c'est ce dessin-là qui permet de savoir que à l'époque où je l'ai acheté, c'était une kora des frères Diarra, donc c'était une kora du Burkina Faso. Là aujourd'hui, je pense que aucun fabricant de kora ne pourrait savoir d'où vient cet instrument parce que c'est même pas un dessin. Ce que j'ai fait, c'est une sorte de liseré dans lequel pour moi le but de départ c'était que la peau tienne et que ça puisse sonner à nouveau, mais en tout cas voilà, l'instrument sonne toujours, heureusement. C'est peut-être pas un dessin, mais moi qui le vois, ça me fait penser peut-être au parcours de nos vies sinueux. oui, c'est vrai, oui. Voilà, c'est les hésitations du clou, un clou par-ci, un clou par-là, et on essaie de faire en sorte que ça tienne. Je crois que j'avais essayé de commencer en clouant tout autour du trou, mais de l'ouïe de la kora, mais bon, j'ai surtout fait de l'efficacité et j'ai enlevé une signature, voilà, en tout cas cet instrument-là. Ah, ce gros trou sur le côté, c'est une ouïe. Moi, j'ai cru que c'était pour poser son gobelet de bière. Ça peut peut-être marcher, oui. Oui, ça peut peut-être marcher. Les enfants aiment bien mettre leurs mains, mais comme il y a des fois des clous qui sortent, c'est à leur risque et péril. Ça permet de voir que la peau est pas très bien parcheminée aussi, ce trou-là. Parce que moi, j'ai vraiment récupéré une peau qui sortait d'un abattoir et ils m'ont dit, bah, tenez, faites, mettez du sel, brossez, faites comme vous pouvez. Guillaume, fais-nous entendre la kora. Ben, oui. Quel instrument ? J'enlève le casque, hein. Merci Guillaume. Louis, la kora, un instrument africain, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors autant le koul, c'est plutôt un instrument rythmique le rythme, c'est l'Afrique tropicale, quoi. C'est vraiment le Gabon, le Congo, ils partent dans des rythmes très très forts, très soutenus qui font rentrer dans des transes et ils vont chanter, crier, danser par-dessus le rythme va faire un appui sur les cérémonies et sur la parole. Là, plus au nord, quand on arrive au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, on a encore des instruments à rythme, il y a pas de souci, mais il y a un souci un petit peu plus sur la mélodie qui est marquée. Et du coup, voilà, on a étonnamment des instruments plus mélodieux. On a le balafon, qui est un instrument à percussion, mais percussion mélodique. Quand j'ai demandé, moi, par téléphone, à un des frères Diarra, à 3000 km de distance, comment ça s'accordait, il m'a dit « comme un balafon ». Bon, j'ai dû voir comment fonctionnait un balafon comme ça. C'était bien pour l'apprentissage. Mais c'est un instrument qui est dans cette famille-là et dans cette culture-là. Tu comptes aussi. Oui. Hein, c'était l'instrument des griots, les conteurs, ces conteurs. Donc, Africains du Nord, hein, Africains. Oui, oui. Alors, quand même au sud du Sahara. Le Sénégal, le Mali, c'est vrai que c'est l'instrument des griots. Parce que c'est vrai, quand on installe une base harmonique comme ça, ça fait un boulevard pour pouvoir poser sa voix et raconter un peu, où on peut avoir quelque chose de plus rythmé, de plus rapide et de donner du coup une énergie. Moi, j'ai souvent un enfant qui part dans la forêt à la recherche de son sourire et il se met à marcher droit devant lui. Et il marche vers le cœur de la forêt jusqu'à rencontrer un petit animal qui avait des petites oreilles toutes rondes. Ce genre d'animal qui chez nous adore manger du fromage, c'était une souris. Et quand la souris a vu le petit garçon, elle a dit « Ah, c'est lui, c'est le petit garçon. Oh, comme trois pieds qui vient pour me manger. Ah, non, non, non, c'est lui, c'est le petit garçon. Oh, comme trois pieds qui vient pour me chasser. Je t'en supplie, petit garçon, épargne-moi, laisse-moi vivre et je t'offrirai, pour te remercier, une dent que j'ai piquée à un enfant la nuit dernière. Mon oreille qui entend venir les ennemis au loin et ma queue qui permet d'être en équilibre même sur la plus fine brindille. » Mais le garçon lui a dit « T'inquiète pas, petite souris, aujourd'hui, moi, je ne chasse pas. Aujourd'hui, je vais droit devant moi. Je vais là où le vent me mène. » Et on peut durer un après-midi comme ça, parce que l'enfant, il peut marcher et rencontrer des animaux de plus en plus grands. Et quand on tombe dans une école maternelle, après l'éléphant, on a forcément un T-Rex, un brontosaure, des créatures qui viennent de l'espace, pour les plus imaginatifs. Guillaume Louis, conteur et musicien, est-ce que c'est un extrait de ton spectacle « Les instruments se racontent » ? Oui, oui, oui. C'est ce petit garçon qui part dans la forêt à la recherche de son sourire dont je parlais tout à l'heure et qui finit par retrouver le village où il est né, où il a connu son père et sa mère. Et donc tout le début de l'histoire est raconté avec la kora, puisque c'est l'instrument traditionnel, pas gabonais, mais c'est un instrument traditionnel du conteur. Le conteur s'installe sous l'arbre à parole, et puis dès le matin, il peut s'entraîner, ou il peut alimenter son public, son village d'histoire ancestrale. Et ensuite, j'utilise, quand on est dans le danger de la forêt, parce que cet enfant-là, après avoir trouvé la calebasse de sa mère et le bâton de chasse de son père, continue à chercher, et il finit par trouver un serpent jaune aux yeux verts, au milieu du village, qui se dresse, et qui lui dit de venir, de s'approcher de lui, et de danser avec lui. À ce moment-là, j'utilise le kalimba en noix de coco que vous entendez là. Et confiance, viens, danse avec moi, et quand tu seras assez prêt pour me prendre dans tes bras, alors tu pourras goûter au parfum doux de ma mortelle morsure. Mais l'enfant prend son courage à deux mains, à deux pieds aussi, car c'est plus utile pour avancer, et comme de la calebasse de sa mère, la voix des ancêtres lui dit « Vas-y, approche-toi du serpent ». Dans ce serpent, il y a l'avenir de ton sourire, alors il s'approche, et au moment de le toucher, le serpent ne mord pas, mais il s'évanouit sur le sol et se transforme en corde. Et c'est la corde qui va servir pour constituer le coul. Du coup, il va mettre le bâton de son père dans la calebasse de sa mère, et il va les lier aussi par ce fil-là, et le son qui va en sortir lui rendra le sourire, et cet instrument deviendra son petit frère, voilà. On a reconnu le livre de la jungle. Ah oui, pour et confiance, oui. C'est vrai que j'accroche des fois un peu les yeux qui disent. Ouais, mais c'est plus les parents qui réagissent que les enfants, parce que les enfants l'ont peut-être moins vu que les parents cette histoire-là. Donc c'est vrai que du coup ça fait sourire les parents souvent ce passage-là. C'est quand même fou, hein, l'instrument que vous venez d'entendre, le kalimba, tout petit dans une demi-coco, tous les sons qui en sortent. Oui. C'est vrai qu'on a c'est un instrument à lame pincée. C'est une caresse, on peut pas faire de fausses notes dessus, donc c'est vrai qu'avec les enfants, dans l'éveil musical, on peut facilement leur confier, sauf ces instruments qui ne tombent qu'une seule fois, généralement ils se brisent en plein de morceaux. Et sur chaque lame, il y a une petite sonaille, c'est-à-dire un petit, alors ça c'est des canettes de soda qui sont coupées en petites tranches, et on enroule, et c'est ce qui fait que ça vibre comme ça, que ça fait pas juste une note pure. Généralement, les gens aiment bien les enlever, les occidentaux aiment bien les enlever pour avoir un son de boîte à musique. Mais on peut, avec ces sonailles-là, voilà, faire un rythme. Avoir des grenots de Père Noël, par exemple. Avoir quelque chose qui, à la fois, est mélodique, harmonique, du coup, et rythmé avec comme une petite charlée qui remplace le... Enfin, ça remplace la charlée de la batterie, mais... À propos des percussions, dans ce spectacle, ton spectacle, Guillaume, Louis, les histoires, les instruments se racontent. Alors, il y a ce parcours de l'enfant, mais en parallèle, c'est le parcours de la musique. Oui. Oui, c'est le rapport de l'homme à son environnement, à la musique du monde, la façon dont il a essayé d'y participer. Alors, le premier instrument qu'il trouve, c'est son propre corps. Donc ça permet de faire une petite démonstration de percussion corporelle, que dans la même impulsion naît le chant et puis naît la danse aussi. Et ensuite on va sur les premiers instruments sont des instruments qui sont constitués à partir d'éléments qu'il trouve dans la nature autour de lui, que ce soit des instruments à percussion, des instruments à cordes, les flûtes à travers les roseaux ou des os. Aussi, parce que on a gardé, disons que les os se sont mieux conservés que les roseaux sûrement, donc on a gardé des traces dans les instruments les plus anciens, ce sont des os de vautour, je crois, qui ont été utilisés en flûte. Alors j'ai pas tous ces instruments-là, mais ceux que j'ai pas, je les évoque. Et on a voilà une porte ouverte sur les cultures africaines avec ces trois instruments-là. On va un petit peu en Europe, on va en Inde avec le sitar indien, et puis on finit en Russie avec la balalaïka, avec une légende qui raconte l'origine de cet instrument-là. C'est quand même fou comme les instruments sont empreintes du pays, de la région du monde qui les joue. Je disais tout à l'heure, la kora, qui est d'ailleurs, on l'a pas précisé, c'est comme une harpe en quelque sorte. Oui, c'est la harpe africaine, oui. Donc c'est le son africain typique, j'ai envie de dire, la balalaïka, je le dis mal. Alors, si, non, c'est bien, oui, c'est ça. C'est la Russie, quand on l'écoute, on est en Russie. Oui, alors c'est un instrument qui est inspiré de la doumra, qui est une guitare avec un corps tout rond. Mais dans la légende qui est racontée, mais c'est une vraie légende, hein, comme tout ce que je raconte, forcément. Il y a un des tsars qui est arrivé à un moment donné sur place et qui a décidé que les instruments, les musiciens, tout était interdit. Il voulait plus de musique parce que les musiciens avaient trop l'habitude de se moquer du pouvoir. Donc lui, comme il voulait qu'on le respecte, une de ses premières mesures, c'était plus de musique. Et le peuple a failli devenir un peu fou, mais a failli aussi oublier complètement comment on fabriquait ces instruments-là. Et ces instruments traditionnels qui étaient la doumra, qui était la guitare russe avec un corps tout rond, très très belle, qui est toujours fabriquée aujourd'hui. Quand les paysans qui rentrent en résistance ont voulu refabriquer des instruments, ils n'avaient pas le savoir-faire pour ça. C'est pour ça qu'ils ont fabriqué des instruments triangulaires, parce que c'était plus facile à fabriquer. Et c'est comme ça que la balalaïka est née et qu'elle a sauvé le peuple de Russie de cette folie-là, sûr, parce que quand il n'y a plus de musique, ça veut dire qu'on peut plus ouvrir de portes vers le monde merveilleux, ça veut dire qu'il n'y a plus que le vent, et le vent en Russie, c'est un vent de folie, quoi. Est-ce que tu as d'autres exemples d'instruments qui, comme je le disais, sont l'identité de certains pays? Un que tu joues dans Les Instruments se racontent, que tu n'as pas emmené aujourd'hui, le oud, c'est le Moyen-Orient. Oui, il y a le Moyen-Orient. Alors j'ai aussi là des instruments, le bouzouki. La Grèce. Voilà, la Grèce, ouais. Enfin, j'ai surtout la tsoula qui vient d'Athènes. Et c'est en fait dans les orchestres de balalaïka, il y a plusieurs formes, c'est-à-dire qu'il y a la petite, il y a la grande, il y a jusqu'à la contrebasse. Et ben dans la famille du bouzouki, c'est pareil. Il y a au minimum trois formats différents. Il y a le tout petit qui sonne un peu comme une mandoline, il y a, mais je l'ai pas pris non plus. Il y a la moyenne, la tsula, qui sonne un peu comme la balalaïka qu'on peut avoir, c'est aigu, puis le bouzouki qui va être plus un peu plus dans les graves, et plus grave que le bouzouki, ben on va aller vers le oud justement. Et le bouzouki, c'est le pont entre la Turquie et la Grèce et l'Europe, hein. C'est un instrument vraiment de ce coin-là de Méditerranée. Et qui, c'est des instruments qui ont des sons très amples, qui ont des sons qui se rapprochent presque des sons des épinettes, voilà, des grandes épinettes de Gérardmer, et sur lesquelles on peut facilement développer des paysages harmoniques sur lesquels la voix du conteur ou de la conteuse peut se promener assez facilement. Ouais. Et donc la tsula, voilà, ce sont des instruments vraiment typiques de là-bas et qui sont tous les enfants apprennent ces instruments-là là-bas, quoi. C'est connecté à leur culture. Et alors, j'ai pas encore collecté les histoires autour de ces instruments-là, mais ça, pour une deuxième édition des Instruments se racontent, je pense que j'en aurai. Sachez que quand j'ai contacté Guillaume Louis, conteur et musicien, je voulais qu'il emmène presque tous les instruments. Je lui ai dit, tu peux emmener quelques instruments, puis je commençais à citer chaque. Je crois que si tu avais emmené tous ceux que je t'avais demandé... Le studio serait plein. Ouais, et puis toi, comment tu fais pour tes spectacles, comme les instruments se racontent? Tu prends un camion? Non, j'ai une grande voiture, mais c'est vrai que je prends pas toujours tous les instruments. Alors pour les instruments se racontent, Y a plusieurs versions. Bah, y a une douzaine d'instruments. La version pour tout petit, parce que j'ai une version pour... petite 3 ans, là, pour les maternelles, c'est sûr qu'il y a moins d'histoires, donc il y a un peu moins d'instruments. La version pour les plus grands, oui, il y a une douzaine d'instruments. Donc c'est vrai qu'ils sont posés religieusement une fois que tout le matériel son et lumière sont installés, tous les décors. Enfin, les décors, c'est assez simple, hein. Moi, j'ai un fond noir et des fois des tables, mais sinon, c'est plutôt de la technique, hein. C'est des pieds de micro et des lumières. Mais une fois que tout est installé dans le véhicule, on met des draps pour stabiliser, puis par-dessus on pose des instruments, puis on remet un drap par-dessus pour stabiliser, et puis ça tient. Mais c'est vrai que je pourrais pas tourner en Twingo. Et comme costume, c'est un slip ou un kilt? Non, c'est pas pour le spectacle. Oui, non, j'ai... T'aurais pu mettre la peau de bête pour au début. Oui, c'est vrai que j'aurais pu venir, ouais, comme non, ça. Non, mais pour ouais. Le début de l'histoire qui raconte justement l'homme qui découvre son corps pour son faire corps, des percussions, ouais. C'est l'homme préhistorique, donc tu pourrais être en peau de bête. Oui, c'est vrai, mais j'ai pas encore osé, parce qu'il faut que je commence le spectacle avec le micro-casque, et du coup, bah, ça se verrait, quoi. Ça ferait un homme préhistorique avec un micro-casque. Je pense que les enfants seraient pas berné, alors pour l'autre spectacle, si j'ai besoin du micro-casque, je le mets après seulement. Donc c'est... Non, oui, les costumes, je suis déguisé en conteur, on va dire. Vous savez, les conteurs disent souvent, c'est bien, nous, on s'embête pas trop. Notre décor, c'est à la limite un tapis qu'on met au sol, comme ça on dit que c'est notre scène. Le costume, on l'a sur nous, et on a besoin de rien. Ouais. Alors, on a besoin de rien, non, c'est pas ça. Oui, on a juste envie de chanter. Quels sont les instruments que tu nous as pas encore fait entendre, que tu as emmené dans ce studio? Il y a plus grand chose, c'est des percussions. Oui, alors il y a la cousine du kalimba noix de coco. Quand je disais tout à l'heure que les Européens aimaient bien enlever les sonailles pour avoir un son pur de boîte à musique, ça a donné lieu à ce genre d'instrument-là. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Le petit Hugo est demandé à la... le petit. Oui, c'est vrai que ça fait. Ça, c'est un sensula. C'est fabriqué en Allemagne. Mais on a plus en plus de petits luthiers en France qui en fabriquent aussi. Composé de quoi? La matière? Alors là, c'est assez particulier. C'est une petite... voilà, un petit morceau de bois qui tient les lames avec des lames en fer. Mais tout est installé en suspension sur une peau tendue dans un cercle. Donc on pourrait presque faire de la percussion, même si on en entend surtout les lames qui résonnent par sympathie. Mais ils ont vraiment travaillé pour que ce soit... pour qu'au niveau acoustique, ce soit optimisé. Voilà, ça fait un peu des sons de boîte à musique. Mais on peut aussi être dans des histoires d'horreur avec ça. Mais j'allais te dire, moi je ressens quelque chose de mélancolique. Ouais. Alors, en fonction de l'instrument qu'on prend, il y a des fois des accordages différents. On a un luthier qui est arrivé il y a quelques années dans le coin de Nancy, à Don Germain, voilà, près de Toul. À Don Germain, c'est Antoine, je crois que si vous tapez Malopépi, un truc comme ça sur internet, vous devriez trouver. Et lui, il fait des sansula aussi, sur des cercles un peu plus grands, des cadres un peu plus grands, il fait différents instruments, voilà, ça fait partie des gens qui travaillent bien et qui méritent de se faire connaître en ce moment. L'autre, le kalimba noix de coco, typiquement africain, je l'ai pas acheté en Afrique. Je l'ai pas acheté dans un marché du monde, d'artisans du monde non plus, parce que ce sont des jolis instruments, mais qui sont moins faits pour les spectacles. Là, c'est un instrument qu'on peut brancher avec un jack. Et celui-là, c'est quelqu'un qui se trouve au pied du mont du Canigou, dans le pays catalan, qui le fabrique et qui travaille très bien aussi. J'ai oublié le nom, mais je pourrais le redonner s'il y a besoin. Il y a des magasins d'instruments du monde, pas ici en tout cas. Ah, alors sur Nancy, dans les magasins qu'on peut fréquenter, c'est vrai qu'il y a quelques magasins qui ont fermé, mais si vous allez à Music Challenge, vous pourrez voir, ils doivent avoir un ou deux bouzouki, quelques percussions, ils doivent avoir des sansula de chez Okema de cette marque-là, quelques autres senza du monde, et peut-être un oudou aussi, voilà, quelques percussions, un bodhrán sûrement, mais c'est vrai que si vous voulez, alors il y a un instrument qui fait rêver tous les musiciens qui adorent les instruments traditionnels du monde, c'est sur Lyon. C'est Pic et Boc. Vous pouvez aller chez Pic et Boc à Lyon. C'est dans le centre de Lyon, au bord. Il y a de l'eau partout à Lyon, donc c'est un peu compliqué de dire. C'est au bord d'une au bord du fleuve. Mais il y a un site internet Pic et Boc qui est souvent mis à jour et sur lequel vous pouvez trouver à peu près tous leurs instruments. Et c'est si vous avez peur d'être ruiné, faut pas y aller, quoi. Parce que vous pouvez que tomber amoureux de plusieurs instruments de musique. Ils ont vraiment non seulement des instruments de qualité, mais en plus des instruments très exotiques et avec des sonorités très variées. Et voilà. Pour moi, bon, je connais pas tout, mais à Pic et Boc à Lyon, c'est une belle référence. Si vous allez sur le site internet escargotvolant.net, le site d'Aurélie Béton, graphiste et plasticienne. Vous pourrez voir notamment dans les photos proposées, en plus de tes œuvres, Aurélie, photos qui étaient prises lors de cet événement que tu organisais dans l'entrepôt de l'entreprise Actimetal. Et il y avait, encore une fois, ton amour des mots sur du cellophane tendu. Ah oui, c'est parce qu'on avait fait avec les artistes qui exposaient à ce moment-là, on avait fait une installation, on avait tendu des films plastiques entre des poteaux du dépôt, on avait fait une installation avec les artistes qui participaient à l'événement, et on avait tendu, c'est classique comme réalisation, on avait tendu des films plastiques, on avait écrit des mots, voilà. Mais c'est classique peut-être, mais par contre, ce qui l'est moins, c'est ce qui est écrit, les mots. Je m'en souviens. Je les ai pour toi, et c'est là que ça rejoint ce que Guillaume propose, lui qui est conteur. Tu disais ou vous disiez... Oh, c'est César, un ami qui avait écrit les mots. César avait écrit « Et toi, écoute le silence du vieux mur, il raconte. » Oui. Il avait écrit des textes, notamment sur ce film de cellophane, sur un peu partout dans le dépôt, sur des murs, des portes, il avait écrit des textes. Et voilà. Ça te parle, hein, Guillaume, hein. Les murs racontent. Voilà, c'est ça. Ça murmure de partout. Oui. Est-ce que l'un et l'autre, vous vous sentez comme des artistes anthropophages? Est-ce que vous boulottez vos contemporains et ensuite vous les digérez et on les retrouve dans ce que vous proposez? J'espère, je le souhaite. Mais bon, je me considère comme un petit padawan, donc tu vois, je suis loin de... Il y a des références, chacun? Vous avez des noms à nous donner qui auraient pu être inspirants pour vous? J'en ai plein. Eh ben, donne-les. Bah, mon premier qui m'a donné envie, mais ça, c'est grâce à ma mère, la première rencontre artistique, c'est Paul Klee. Tu vois, c'est un classique. C'est lui qui m'a donné envie de prendre de la peinture, un pinceau, puis de peindre et puis de dessiner. Donc après c'est des musées, Georges Pompidou, le Louvre, enfin les choses classiques. C'est ça qui m'a fait vibrer toute petite et qui m'a donné envie de m'exprimer à travers la peinture, le dessin, voilà, à travers les arts plastiques. Et toi, Guillaume? Moi, sur le compte, je suis à peu près persuadé d'avoir été très influencé par Andersen et par John Baptista Basile sur la façon de raconter. Je me suis beaucoup nourri des contes des mille et une nuits. Donc cette poésie-là, je pense, m'a aussi ouvert des mondes ou des façons de décrire des personnages. Ensuite, sur d'autres, j'ai fait des rencontres, et des rencontres pas que dans le conte, des rencontres en tant qu'artiste. Premier artiste qui, je pense, m'a ouvert vraiment des portes mentales, et c'est Didier Pozza, c'est un artiste qui est dans le coin de Saint-Dié, que j'ai rencontré quand j'étais à la fac. Comme j'aimais bien organiser des expositions à la fac de lettres, il y a une petite salle à la bibliothèque universitaire qui servait de ça, je sais pas si ça sert toujours. Ah, ouais. J'ai exposé, c'est vieux, ça faisait partie de mes premières expos, tiens. Étudiante. Ah oui, bah c'est bien si ça. Ouais, c'est des beaux souvenirs. Donc moi je l'ai rencontré dans le cadre d'une association culture et communication, et il y avait lui, il y avait Jérôme Bourdelon, enfin il y a vraiment des artistes qui ont des rayonnements certains et qui vraiment en discussion comme ça apportent beaucoup. Oui, ont apporté beaucoup et m'ont donné des clés pour comprendre son œuvre à lui, parce que j'ai dû écrire dessus sur un petit texte d'explication sur. Il avait fait dans le cadre du Festival international de géographie une exposition rétrospective sur ses 20 premières années de carrière. Et il m'avait commandé un texte et en fait il m'a donné des clés. Bon, pour le comprendre, mais pour comprendre aussi les autres artistes contemporains, alors pas forcément tous, mais en tout cas pour être dans certaines thématiques, dans leurs problématiques, quand tu parles, toi, de Aurélie, de prendre de la matière, que ce soit dans l'entreprise, et de la transformer, d'utiliser des choses sur ton quotidien, sur ce que t'as autour de toi, sur cette envie de ce besoin de s'inscrire à des moments dans le paysage. Lui, c'était un peintre en bâtiment, hein. C'est un peintre sur les bateaux au départ, Didier Pozza. Son premier métier, c'était ça. Donc, il a, sur la matière de la peinture, il a fait des dragons, par exemple. C'était des performances où il jetait un seau de peinture en l'air et il y avait quelqu'un qui prenait la photo en instantané et le jet de la peinture donnait l'impression qu'il avait un dragon qui jaillissait au-dessus de lui et qui le regardait, puisqu'à un moment donné, la courbe du jet se baisse. C'est vrai que c'est quelqu'un. Il invitait les gens à marcher sur des bâches blanches. Et en fait, sur ces bâches blanches, il avait collé des lettres un peu qui n'étaient que collantes. Et du coup, la saleté des pieds faisait apparaître un texte. Enfin, des choses très poétiques et en même temps peut-être assez simples techniquement. Il a fait des choses plus qui m'ont peut-être pour certains échappé, mais il y a vraiment des actions qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont dit ce que c'était qu'un artiste en fait. Et ça, c'était dans ma formation d'étudiant et de jeune artiste, du coup ça m'a beaucoup apporté, cette rencontre là. Les artistes autres peuvent être inspirants, également les lieux. Aurélie le disait, forcément, c'est là qu'on les retrouve, hein, les artistes comme les musées. Toi, Guillaume, on a pu notamment te voir récemment jouer à Grand. Oui. Ça, c'était pour le coup un lieu qui t'a inspiré. Bon, c'était une commande, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce moment? Grand moment. Dans quel cadre c'était? Oh, c'était il y a un an, en juin. C'était sur la Grande Mosaïque, dans le cadre des journées de l'archéologie, où le site de Grand cherche à valoriser, du coup, par une programmation et par différentes activités, tout le patrimoine archéologique. Donc faire une journée à échelle nationale où tous les sites archéologiques, tous les centres d'interprétation font ça. Et là, c'était une commande qui s'appelle Aqua et Terra, qu'on a fait en dialogue avec les éléments. C'était une ville d'eau, une ville thermale, grand. C'est une ville sur laquelle, c'est assez étonnant au niveau géologique, hein. C'est un plateau calcaire, donc l'eau est censée s'infiltrer, être sur des réseaux souterrains. Et il y a un endroit où, une grotte, une source, où ça s'est affaissé. Et ça a créé un bassin qui, dans l'Antiquité, était le bassin d'Apollon, était un bassin avec une eau particulière qui soignait. Et c'est devenu un lieu de culte, un lieu un lieu d'une ville assez grande, à un endroit où, comme il n'y avait pas vraiment d'eau et de rivière, ça n'aurait jamais dû avoir lieu, quoi. Et cet affaissement-là, qui est devenu du coup apte à accueillir de l'eau, qui a fait un bassin, c'est l'objet de toute une voilà de la création d'une ville, d'un amphithéâtre énorme. Enfin, on a plus grand chose finalement de ce qu'il y avait avant, parce que beaucoup s'est écroulé, beaucoup est dans les jardins des gens, et les gens préfèrent qu'on creuse pas trop dans leurs jardins et garder un peu les richesses enfouies, parce que ils préfèrent vivre paisiblement, et je les comprends. Voilà, on était là-dessus, donc on était sur le thème de l'eau, de la terre, de la façon dont les hommes, à travers les vieux, les mythes les plus anciens, se sont appropriés ces légendes, ces mythologies, puisqu'on a des statues mythologiques gréco-romaines. Donc il y avait un programme plutôt gréco-latin sur les mythologies, et puis un programme plutôt gallo-celte, voilà. C'était dans la basilique de Grand, hein, sur la grande mosaïque qui se trouve dans la basilique de ce site archéologique. C'était pour les Journées nationales de l'archéologie. Oui. Il y a un an. Et alors, qu'est-ce que ça fait de jouer dans ce lieu? Déjà, c'était avec une formule, parce que vous l'avez compris, hein, Guillaume Louis. Alors, des fois, c'est en solo, des fois, c'est avec les camarades, beaucoup de camarades différents, beaucoup d'artistes différents, des musiciens, des danseurs. Même c'est arrivé, je crois, des plasticiens. Oui. Donc, c'était quelle formule et comment vous avez ressenti ce moment? Bah là, on était en trio, donc avec un duo qui est spécialisé dans la musique traditionnelle, qui m'a déjà accompagné sur des projets sur l'Irlande et qui a déjà accompagné d'autres artistes dans ces sites-là archéologiques. De la flûte, c'était? Alors, il y avait de la flûte. On essayait d'être sur des instruments anciens. Donc, un des musiciens est plutôt accordéoniste, mais là, il était percussionniste sur le coup-là, parce qu'il a une formation de batteur percussionniste aussi. Donc c'est Léo Brésim, Pierre Zimmer et Axel Breitenreicher. Pierre qui m'a déjà accompagné très souvent dans des balades comptées ou dans d'autres formats à l'accordéon, et Axel qui lui alors fait aussi du violon, mais est vraiment spécialisé aussi dans les instruments soufflés, les flûtes. Donc là il était plutôt là-dessus, voilà, plutôt sur les flûtes, les flûtes doubles, les flûtes antiques, quoi. C'est un endroit idéal au point de vue sonore, par exemple? Oui, alors si le public est silencieux, ça va, la voix porte assez, on n'a pas besoin de sono, c'est assez magique, la voix porte assez largement. On a eu à un moment donné un public avec des enfants qui les tout petits, ils aiment bien tester la capacité acoustique d'une salle, donc ils s'écoutaient crier. Donc là on a eu des petits moments de perturbation, mais globalement le public était venu pour ça, et du coup on a eu des gens qui ont été ravis, et puis nous aussi on était eux étaient sur les passerelles tout autour, et nous on était les pieds sur la mosaïque. Alors c'était soit pieds nus, soit avec des belles chaussettes bleues, on a préféré pieds nus. Ça faisait plus authentique, et ça a été vraiment un très joli moment pour nous, apparemment pour les organisateurs aussi, et pour le public. Ouais, c'était avec des histoires alors qui pouvaient convenir pour le public familial et d'autres qui étaient peut-être un peu plus adultes. Parce que c'est vrai que quand on est dans la mythologie, on n'a pas toujours des fées, des elfes et des lutins, quoi. Dans les autres formules que tu proposes, Guillaume, et le temps qu'on évoque tes camarades, il y en a une qui change un petit peu des contes, qui est peut-être une respiration, ou en tout cas, ça te permet de sortir de cet univers de contes et légendes. Tu vois celui dont je te parle. C'est... Jeu de mots pour l'appellation de ce duo. Oui, le duo Barési. On va peut-être écouter tout de suite Barési. Yeah. a boy, a very smart, enchanted boy. And then he wandered very far, very far over land and sea. A little shy, inside of high, but very wise was he. And then one day, a magic day, it passed my way, and I was bought of many things, falling kings. This is said to me, the greatest thing you ever learn is just to love and be loved in return. J'ai rencontré une fille des Amériques. Au nez parfait, à la croupe sympathique. Sa robe était en soupirail, inspirant mon épouvantail. Jolie fille, j'ai erré jusqu'à vous. Je suis timide, mais j'ai peu de tabous. Néanmoins, je jure d'être sage, comme papa avec maman. There was a boy, a very smart enchanted boy, and then he wandered very far, very far over land and sea. A little shy instead of high, but very wise was he. Causons un peu, joli bouton de rose, philosophons sur la nature des choses. Vos yeux ont de jolis balcons, j'y établirai mes salons. And then one day, a magic day, he passed my way, and I spoke of many things, full of kings. Did he say to me, the greatest thing you ever learn is just to love and be loved in return. J'ai bu la mélancolie des océans, mon cœur de loup s'était pris de vos talents. Ne nous perdons pas en folie, allons faire l'amour, ma chérie. Ne nous perdons pas en folie, allons faire l'amour, ma chérie. Et ben voilà, l'animateur était parti et il n'avait pas entendu que c'était la fin du morceau. C'était Barési avec Guillaume Louis, qui est ici présent, qui est conteur et musicien. Et il y avait qui avec toi, Guillaume ? Bah, Zi, moi j'étais Bar. Ah, c'est Émilie Ferry qui chante avec moi, qui voilà, qui m'accompagne. On a eu un petit projet de jazz au départ. Avec deux autres musiciens, le Emily Ferry Quartet, où on reprenait des standards de jazz et on les arrangeait un peu de façon originale. Et puis en 2011, quand ce projet-là s'est arrêté, on s'est dit bah ce serait dommage de s'arrêter comme ça. On a voulu continuer ensemble. On a gardé quelques standards, mais en décidant de les détourner. Moi, il y avait des choses qui me faisaient un peu rire, soit de traduire, soit là pour le gars nature, reprendre Nature Boy, essayer de voir ce que ça veut dire en français, et puis de raconter le pendant. Là, c'est on a la femme qui se vante d'avoir rencontré quelqu'un de très charmant, de très un peu discret, un peu mystérieux et de nature. Et puis le gars derrière, il essaie de prendre un peu la part. Comme si c'était Brassens, quoi, qui racontait à ses copains, ouais, j'ai rencontré une fille des Amériques, là, et on a eu, et il suit à peu près le même, les mêmes étapes que le texte en anglais, mais il le raconte, façon garçon et un peu vantard, quoi. Voilà. On a des détournements comme ça de standards de jazz, on a des compositions, et puis on a quelques hommages, quelques reprises. Voilà, en hommage. Jazz, humour, propre compo. Hommage par des reprises, ce sont les éléments, les ingrédients de Barési. Voilà, en guitare et chant. Deux mots, deux personnages. Et vous pouvez les faire jouer si vous voulez, tout comme les différents spectacles de Guillaume Louis. On les a pas évoqués tous, hein, je le disais en introduction d'émission. Il y a 5 catégories, adultes, tout public, enfants, des commandes. Donc vous pouvez même voir avec Guillaume ce qui pourrait aller avec votre manifestation ou autre. Et des collaborations avec d'autres artistes là aussi. Si tu es artiste et que tu as envie de collaborer avec ce conteur et musicien qu'est Guillaume Louis, tu peux le joindre au 06 03 17 0097, 06 03 17 0097, et puis via le site internet guillaumelouis.fr, bah il y a l'adresse, l'email qui va avec contact@guillaumelouis.fr, et il y a, puisqu'on l'a pas encore évoqué, il y a le contact de ta compagnie, qui est celle qui a pris la suite de Philodar et de Quarail en Lune. Tout à l'heure, on évoquait ces deux structures. Et maintenant, tu portes depuis un peu plus d'un an, ou celle qui te porte, c'est les deux, le Chardon Débonnaire. Oui, voilà, on fait des noms de plus en plus longs pour que ça tienne, prenne le plus de place dans les adresses mail. Le Chardon Débonnaire, voilà, bah comme les expériences d'association et de SCOP ont pris fin 2016, il fallait refaire autre chose. Donc on a beaucoup d'artistes qui sont retournés soit dans leurs associations d'origine, soit qui sont allés vers SMART, qui est une structure coopérative aussi, qui porte beaucoup d'artistes et de projets. Mais moi, quand je me suis retrouvé là, je me suis dit, moi, c'est le cirque, quoi. Je fais tellement de choses différentes que forcément, je rentrerai pas dans toutes les cases prévues. Donc, et puis j'avais envie de recréer quelque chose sur lequel j'ai la main aussi. Là, en se faisant violence, ça veut dire gérer. ne pas être que artiste, gérer aussi un petit peu, mais quand on sait s'entourer sur le secrétariat administratif, sur la comptabilité, on arrive à s'en sortir finalement. Les patrons sont pas tous des cracks en comptabilité et en gestion administrative, mais simplement ceux qui s'en sortent savent déléguer. Voilà, savent bien déléguer aussi. Donc il a fallu apprendre à faire ça et à faire confiance, à s'entourer, à dépenser de l'argent pour s'entourer bien et puis évoluer en avec plus de sérénité et à pouvoir avoir des moments où on redevient artiste à 100%. Et pour l'instant, j'ai l'impression que je peux avoir des journées entières où je suis artiste et pas le producteur qui doit faire des contrats, des factures et suivre et voilà. L'artiste ne laisse pas trop de plumes dans la gestion. C'est le but. De cette compagnie. Voilà, ouais. C'est le but, c'est que la structure de production soit assez bien rodée. L'association, la SCOP avait beaucoup de monde, beaucoup d'artistes à gérer et ça prenait beaucoup de temps. Donc j'avais pas eu envie moi de repartir et de m'occuper que des autres quoi, parce que c'est vrai que si on s'occupe, si on ouvre la porte aux amis des amis, on finit par ne plus pouvoir travailler soi-même. Là j'ai quelques amis que je produis aussi, mais dans un nombre limité sur des projets bien définis, et quand les gens viennent me voir pour les amis des amis, bah je donne des conseils aujourd'hui, mais je ne porte je porte que ce que je peux produire et produire sérieusement, c'est-à-dire mettre vraiment des moyens pour qu'un projet puisse se développer. C'est du temps, c'est un petit peu d'argent aussi pour certains projets, donc on peut pas dans le milieu artistique on n'en a pas énormément, donc on choisit, on essaye de faire bien. Et pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai cet équilibre-là, voilà, où je ne perds pas l'artiste qui est derrière. La compagnie Le Chardon Débonnaire, explication du nom. Ça pique, mais c'est gentil. Mon nom étant Louis, on a toujours en mémoire dans l'histoire Louis le Débonnaire. J'ai eu l'impression, avec cette naïveté-là, cette grande appétit de rencontre, des fois de me faire prendre un petit peu pour un zouave. Alors j'ai un grand-père qui disait, celui qui me prend pour un con, c'est qui me connaît bien. Peut-être. On va être moins on va être plus optimiste que ça. Je sais qu'il y a une générosité et je peux pas faire autrement. Ça, c'est le côté débonnaire. Voilà, c'est le côté débonnaire. Je sais que l'expérience m'a permis de mettre quelques limites à cette générosité-là, en tout cas d'enlever un peu de naïveté, mais qu'il y a toujours un appétit. Et puis le chardon, le logo, c'est un papillon qui butine un chardon. Voilà, il y a ce truc-là de, on a l'impression que c'est une plante qui pique, qui est pas agréable, qui est vraiment que les gens brûlent parce que ça envahit des terrains et ça les rend infertiles. Et en fait, ça se butine, un chardon. Donc voilà, l'image me plaisait bien, le chardon lorrain aussi, ça fait un petit peu du coin. Bon, voilà. Elle n'a pas de compagnie, ou en tout cas peut-être pas encore, on ne sait jamais. Aurélie Béton, alias Escargot Volant, que vous pouvez retrouver sur le net, escargotvolant.net, avec cette femme oiseau, le personnage qu'elle a créé, qui s'appelle Harmonia, dont vous pouvez voir les tableaux. Bon, il n'y a pas qu'Harmonia, hein. Les tableaux, on peut les voir sur ce site escargotvolant.net. On peut également les acheter si on en a envie. Hein. Oui. Il y a tout ce qu'il faut pour sur le site. Oui, il y a toutes les informations. J'ai une rubrique, par exemple, ce que j'ai en stock en ce moment, enfin, toutes mes réalisations sont dessus, sont régulièrement mises à jour. Et si je peux parler de mes expositions en route? Ben si oui, parce que c'était mots, ça, si moi, que je voulais dire, Aurélie. La puisque... question suivante. Non, c'est pas ça, c'était ça. Il voulait en venir à ça. Oh, c'est gentil. C'est-à-dire la transition, t'es trop fort. D'un côté, il y avait, on peut les retrouver sur Internet. Et puis, l'autre côté, en plus, je l'avais annoncé au tout début, il y avait deux façons de voir tes œuvres. Ben, c'est en exposition. Régulièrement, je me souviens, tu avais exposé à la Bresse, à la MCL. Enfin, régulièrement, c'était l'année dernière. Oui, hein, mais à Cornimont, t'avais exposé aussi dans le coin. Oui. Maintenant, et là, en ce moment, j'ai une exposition qui va se terminer jusqu'au 20 mai à l'hôtel Le Val-Joli au Valtin. Et je vais enchaîner sur une exposition à la Bresse, au col de la Grosse-Pierre. C'est l'Auberge Le Montagnard. Je vous mettrai toutes les informations sur mon site et sur mon Facebook. Mais vous tapez Auberge Le Montagnard sur Facebook, la Bresse, vous tomberez directement sur... voilà. Mais je mettrai toutes les... Donc, c'est ma prochaine expo qui va commencer fin mai, là. Je suis en train de la préparer. Puis, j'ai d'autres projets aussi en cours à partir de juillet vers Saint-Hippolyte. Donc, voilà. Je mettrai toutes les informations sur mon site internet et sur ma page Facebook. Et c'est pratique avec toi, puisque on peut aller manger. Souvent, c'est dans des restaurants. Oui, c'est pratique. C'est convivial. Voilà. C'est ça qui est bien. Salut. Et en ce qui concerne ton atelier, je me souviens il y a 2 ans quand tu étais là, mes changements ont fait que c'est chez moi en fait. J'ai une petite pièce au-dessus de chez moi. Ça a pas changé ça. Sur Saint-Dié. Si, ça a changé. Si. Et voilà, bref. Donc tu peux pas, si j'en venais à ça, c'était pour savoir si on pouvait. Ah oui, bien sûr, oui. Si les gens me contactent, il n'y a pas de souci, oui, bien sûr. Je vais donner le contact, puisque maintenant que vous avez tous les éléments, et puis si vous avez envie de recevoir. J'ai une petite pièce qui me sert d'atelier chez moi. Donc il n'y a pas de souci pour. Venir visiter, voir mes dernières réalisations, il y a pas de souci. Faut juste me contacter, me téléphoner, m'envoyer un mail. Et puis si on a envie de te faire exposer, que ce soit dans un restaurant, un bar ou alors une galerie ou d'autres lieux, diverses. On peut te joindre au 06 86 85 46 79. 06 86 85 46 79, également sur le site, on le disait, hein, escargotvolant.net, et il y a l'adresse mail qui va bien, escargot-volant@hotmail.fr. Est-ce que, pour finir cette émission, il y a un sujet que vous aimeriez évoquer? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent importantes dont on n'a pas papoté? Ah oui, Guillaume, mais oui, tu l'avais caché sous l'instrument. C'est le Senzula, j'ai bien retenu l'instrument. Oui, c'était sous le Senzula, elle était cachée derrière. Eh oui, sur la tête, posée, sur la photo de... La photo de qui? De René Robitaille. Et qui est-elle? Qui est une conteuse québécoise. Et je crois qu'on pourra l'entendre et la voir. Dans 15 jours, là, pratiquement, pour le Festival des Imaginales à Épinal. Dans le cadre de ce festival-là, il y a des soirées qui sont programmées. par différentes structures. Et moi, j'ai eu la chance de programmer une soirée. C'est la troisième année, là. C'est une soirée cabaret-conte. Et cette année, du coup, comme le Québec et le Canada sont les pays invités, et que René Robitaille était en tournée, avait prévu une tournée, elle est déjà en France, là, elle vient d'arriver, elle est sur un autre festival pour l'instant, et du coup elle va arriver d'ici une semaine, elle sera au Festival des Imaginales pour des dédicaces, et puis pour le vendredi soir dans un Magic Mirror. Alors c'est un cadre assez, ce sont leurs tentes là, assez étonnantes. Ce sera le grand Magic Mirror, le salon perdu, à 20h30. Elle fait un programme qui est vraiment adapté à la thématique des Imaginales, qui est sur la thématique des créatures cette année. Et elle sera, alors c'est quelqu'un qui a beaucoup collecté au Québec, en Abitibi, c'est dans sa région d'origine. Elle a vraiment beaucoup collecté d'histoires, elle est sur l'imaginaire, donc là elle est sur les paroles de sorcières, où on a des personnages qui se transforment, on a beaucoup de personnages féminins. C'est à partir de 7 ans, donc c'est vendredi soir, à partir de 7 ans, ça peut se faire en famille. C'est 10€ l'entrée, et vous êtes vraiment les bienvenus. Et ça sera une belle soirée. C'est vraiment une conteuse, un petit bout de conteuse très attachante qui raconte très bien. Moi, je me suis étonné d'entendre des enfants raconter presque mot pour mot ces histoires après les avoir entendues une fois. Donc c'est quelqu'un qui fonctionne très bien, que ce soit pour les enfants, les adultes. Elle a aussi des répertoires de contes coquins, mais ce sera pas pour ce soir-là. Mais elle sait vraiment, voilà, sur du conte populaire et extraordinaire, ça va bien coller au festival, et ça sera une belle soirée en famille pour le prix d'une place de cinéma, quoi. Le conte coquin québécois, ça peut être cocasse. C'est vrai. C'est des fois coquet, des fois cocasse. Guillaume Louis, le Chardon des Bonheurs, qui produit. Oui. Et c'est vrai que d'habitude, hein, vous qui écoutez, vous avez peut-être vu Guillaume justement aux Imaginales les autres années. Et cette fois, ben, c'est pas toi qui jouera, mais oui, voilà, cet artiste le fera. Il y a eu une yourte du conte pendant 2 années, et les 2 dernières années, on avait programmé aussi des soirées cabaret. Alors cabaret de poche une année, cabaret de la lune l'année dernière, on avait 9 artistes, 3 danseuses, 3 musiciens, une chanteuse, 2. Moi en conte, et puis Amélie Armao, qui est une conteuse d'Épinal aussi. On avait une régisseuse. Enfin, c'est ta formule la plus complète, hein, le cabaret de la lune. Ouais, on avait vraiment une grosse équipe. Ouais. Des artistes venus d'arts différents. Oui, qui là viennent avec leur univers artistique et le partage avec au moins un autre artiste. C'est un peu le. Alors, ça c'est la consigne qu'on donne aux artistes, c'est qu'ils partagent leur univers avec au moins une autre personne et que les autres du coup aillent à la rencontre. Alors si c'est un artiste plasticien, s'il choisit qui est un musicien par exemple, le musicien va jouer pendant une performance. Si c'est un conteur, il va peut-être s'appuyer sur certaines œuvres pour développer une histoire, pour improviser. Enfin, on a vraiment eu des situations comme ça de partage en improvisation dirigée, ou des fois quelqu'un qui vient avec une chanson, donc les autres travaillent sur des arrangements. Et pour le public, côté du public, ce sont des artistes qui viennent tous de la lune. C'est-à-dire que moi, je suis un peu en monsieur loyal dans ce spectacle-là, et je présente chaque artiste, je rattache l'univers de ces artistes-là à l'imaginaire lunaire. Donc on a des trafiquants de poudre à bailler, des tisseurs de rêves, on a vraiment tout un panel de personnages qui vont débarquer, et le public, normalement, tout peut arriver, puisque ces artistes qui respectent les lois de la lune, donc ils sont pas trop courants des lois terriennes. Donc on a des transformations, des évolutions, on a un peu de tout. Mais là, ça sera plus accessible peut-être cette année avec René Robitaille. Ce sera un cabaret conte plus simple, une conteuse qui partage vraiment un univers très très captivant et qui tourne vraiment dans toute la francophonie. On a vraiment de la chance de pouvoir l'accueillir à Épinal. Est-ce que les contes et légendes sont encore, entre guillemets, à la mode ? Est-ce que les gens en ont encore envie ? J'avais l'impression qu'à un moment, ça s'est un peu perdu et que c'est revenu notamment grâce à des balades contées que tu proposes aussi dans tout ce que tu fais. Qu'est-ce que tu en dis, toi ? Il y a des périodes. Alors, je pense que l'intérêt pour le conte, je pense, reste indéniable. Il y a des, vraiment, que ce soit les structures de bibliothèque ou d'éducation populaire. ont vraiment intégré dans leurs animations ou dans leur programmation ce média-là, que ce soit pour la lecture publique, pour les politiques de lecture publique ou pour faire une médiation avec quelque chose un peu plus scientifique, pour faire de l'éducation populaire. Le conte vraiment est bien installé et je pense durablement. Dans le milieu plus artistique, plus large et plus élevé, dans les scènes conventionnées, ça arrive qu'il y ait le programme du conte, mais des fois le conte doit montrer patte blanche, faire croire que c'est du théâtre. Ça reste une bestiole mal définie, le conte. C'est-à-dire qu'on a quand on dit on est conteur, souvent on dit ah oui pour les enfants. Ça reste assez réduit la vision que le grand public peut avoir du conte par rapport au potentiel que cet art peut avoir et par rapport au potentiel de rencontre avec les autres arts que cet art peut avoir. Donc bon, c'est un travail de tous les jours et de plusieurs générations, je pense, de donner une place professionnelle à cet art-là et reconnu, donc une place institutionnelle, et en même temps de lui donner une place dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que les gens, de toute façon, se la racontent. Certains se la racontent plus ou moins, mais de toute façon, un grand-père qui raconte sa vie à son petit-fils, il va forcément arranger un peu l'histoire, même une grand-mère. Hein, et il va quand je disais tout à l'heure qu'on se donne le bon rôle, le grand-père a tendance à le faire plus. Moi, j'ai eu des grands-pères qui ont très su. Mythoman, comme tu dis sur ton site internet. Oui, je parle de mythomanie avec beaucoup de tendresse parce que mes grands-mères ont survécu aux grands-parents, aux grands-pères, et du coup, elles m'ont donné leur version derrière. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que vraiment, les grands-pères avaient beaucoup moins le beau rôle à ce moment-là. Et je me suis dit, j'ai fait un spectacle que j'ai pas beaucoup tourné, c'était en 2007, qui s'appelle Les 10 grands-pères et qui abordait ça. La transmission, est-ce que ça implique de tentation vers la mythomanie, vers se donner le bon rôle? Mais c'est quelque chose qu'on a naturellement quand on raconte quelque chose qui s'est passé. S'il n'y a pas eu de témoin direct et qu'on est le premier, on va se donner un rôle au moins pitoyable que celui qu'on a pu avoir. Et j'ai beaucoup de tendresse pour ça, pour cette ce qu'on collecte aussi dans les collectages de récits de vie, qui est un autre pendant et qu'on fait aussi. On a aussi souvent à faire à ça et on peut pas traiter les gens de menteurs parce que tout le monde fait ça et c'est vraiment on est dans cette mythomanie un peu que tout le monde peut avoir à partir du moment où il se raconte. Puis on a quelqu'un qui le confond, il dit « Ah oui, mais je me souviens pas de tout. » Et puis finalement, des fois, c'est vu négativement, mais le côté positif, c'est justement que c'est créatif. C'est, oui. On raconte des histoires, au final, on peut se dire que ça peut être positif d'inventer, de raconter des histoires. Ah oui, puisque ce qui était un simple récit de vie, avec cette petite tentation de mauvaise foi-là, ça mystifie. Donc ça devient un mythe et ça devient des objets qui sont beaucoup plus racontables pour les conteurs derrière. Donc c'est vrai que c'est des pépites pour nous. Quand on a des gens qui ont un peu de mauvaise foi comme ça, pour nous, c'est ce que certains appellent des barons dans les collectages. C'est des gens qui vont nous remplir notre enquête de collectage, quoi. Et c'est vrai que c'est précieux. Voilà. Les mythomanes sont précieux pour nous. Aurélie Béton, artiste plasticienne, graphiste. Toi, en tant que telle, en tant que maman, en tant que personne, les contes, ton regard sur eux, est-ce qu'ils ont eu de l'importance? Comment tu vois cette discipline? Bah oui, petite, comme tout le monde, on m'a lu petite des histoires, des contes, donc c'est dans l'imaginaire, c'est sûr que ça a bouillonné, ça fait aussi, c'est des souvenirs d'enfance qui restent, des spectacles aussi, j'ai des souvenirs de spectacles petites, de conteurs, des choses comme ça qui me restent. Donc, et aujourd'hui, c'est des beaux souvenirs. Maintenant, est-ce que justement... Et maintenant, mon fils, si, ça encore, alors là, c'est la magie, c'est la féerie, c'est... Et dans ton art, ça peut inspirer. Quelque part, oui, peut-être. Je disais tout à l'heure avec la création d'un personnage comme tu l'as fait avec Harmonia. Après, oui, quelque part, oui. Est-ce que tu as un mot de la fin? C'est au revoir le mot de la fin ou c'est autre chose? Non, je sais pas. J'allais dire, faut vivre la créativité. De toute façon, on est là pour... on est des créateurs, des inventeurs, des bouillonneurs, des tout ce qu'on veut. Des passeurs d'histoire, des passeurs de... Voilà. Vive les rencontres entre artistes et entre personnes, tout simplement, pour qu'on puisse avancer les uns les autres, ensemble. S'influencer, s'inspirer. Oui, voilà, c'est ça. se vampiriser d'inspiration. Au secours. Oh oui, attends, il y a les gros, les dents là qui sortent. Sauvez-moi, au secours. On vient de passer l'heure du goûter, alors forcément mon vocabulaire change un peu. Ça y est, il craque. Hors format se termine. On se retrouve dans deux semaines, je le disais tout à l'heure, ça sera... Et là, j'aime bien quand il y a une logique, un passage de témoin. Le luthier Jean-Claude Condy de Cornimont, de Mirecourt, spécialiste de... Alors, je ne sais jamais si on dit le, on verra avec lui, mais je crois que c'est le, mais là, est également possible, Nickel Arpa, et avec Bouclette, chanteur pour enfants. À bientôt. Au revoir. Au revoir.